C'est ça que je voulais dire exactement. Il nous a indiqué aussi par la suite comment justement suivre ce bon chemin, que ouais. celui qui saisit l'once la plus solide, c'est le symbolisé. Et c'est le chemin pour se rapprocher d'Allah et ne pas s'égarer. Le din, avant ça, la ikraha fi din, afin qu'on n'avance pas, qu'on suive. Ad-din, dans la religion, il est employé, il veut dire par cela quoi ? Deux sens. Quoi ? La religion et la rétribution. Donne-moi un exemple de la rétribution. Malik yawmiddin. Wa ma adraka ma yawmiddin. Ainsi de suite. Le maître du jour de la rétribution, qu'en sais-tu ? Qu'est-ce que le jour de la rétribution ? Et ainsi de suite. Le deuxième sens, c'est la religion. Et quand elle vient avec alif lam, mu'arrafa, elle vient définie, d'une manière définie, par le déterminant. On vise par cela, quoi ? Qu'elle dit ? Ad-din, l'islam. L'islam, et rien d'autre que l'islam. C'est le din. Celui que vous connaissez est le seul sur, au sujet duquel les arguments, que ce soit des arguments kauniya, universels, ou bien des arguments shara'iya, révélés, tous viennent et exposent au grand jour que c'est la religion de vérité. Ad-din, alladhi ta'rifunahu, celui que vous reconnaissez, والذي لا يرضى الله عز وجل غيره celui que Allah عز وجل n'agrée aucun autre dîn que celui-là et ainsi de suite. Et quel dîn est-ce qu'on veut dans le verset ici? C'est l'islam. La ikraha fi din, aucune contrainte. On peut contraindre les gens à devenir musulmans. On a mentionné le verset où Allah عز وجل dit au prophète sallam afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu Mu'minin, est-ce toi donc, Mohammed, qui va contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils soient croyants, jusqu'à ce qu'ils aient la foi? Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Le vrai, c'est, ou le droit, c'est distingué de ce qui est égaré ou ce qui est égarement. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de ce jour? C'est que la droiture, elle est évidente. Et le droit chemin, il est évident à la lumière de quoi ? De la philosophie ? De l'innovation ? Des sectes ? De celui qui dit ci et ceci ou cela ? Non. Du Coran et de la Sunna. Huwa mubayyan. Huwa mubayyan. Ar-rushd mubayyan. Wal-ghayy mubayyan. On a dit qu'il y a combien de voies ? Il y a deux. Ou t'es égaré, ou t'es guidé. Il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas de manzila bayn al-manzilatayn. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de voie intermédiaire. Ou bien la voie de l'hidayah, ou bien la voie de al-dalala, ou bien la voie de la guidée, ou bien la voie de l'égarement. Naam, qu'est-ce qu'on a dit d'autre au sujet de cela? C'est quoi le rushd? C'est quoi le rushd? La droiture. On dit la droiture ou le vrai, on résume ça par des mots. C'est quoi? On m'a expliqué la dernière fois, qu'est-ce qui est voulu par ça? C'est le bon chemin. Husnul maslak. Husnul maslak. Et c'est la bonne parole, la bonne croyance et les bons actes. C'est cela, ar-rushd. Et al-ghayy, l'égarement, c'est l'opposé de cela. C'est la mauvaise voie. C'est la mauvaise parole, la mauvaise croyance ou les mauvais actes. Non. Et on a mentionné aussi comment est-ce qu'on reconnaît ar-rushd, où on distingue entre le rushd et le ghayy. Quels sont les moyens? Par le biais du Coran. Ça, à la tête de cela, al-Qur'an. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla l'a appelé al-Furqan, le discernement, celui par le biais duquel on distingue entre ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est guidé, ce qui est égarement, ce qui est la voie d'Allah et ce qui est autre que cela. Al-Furqan. Par le biais de la sunna avant ça. Par le biais de la sunna. Et par cela on veut quoi? qu'est-ce qu'on veut par le mot sunna ici? Vous savez que le mot sunna, selon le moment où l'employé, ou selon le contexte dans lequel il est employé, ou le thème dans lequel il est employé, il a un sens différent. Il a un sens approprié au contexte dans lequel il est employé. Si on parle dans le fiqh et puis que je vous dis ça, c'est sunna, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Si on parle dans la croyance et que je vous dis ça, c'est sunna, ça veut dire que l'opposé de cela, c'est le bid'ah. Si on parle dans le hadith et que je vous dis ça, ça fait partie de la sunnah, ça fait partie des paroles, des actes, aqwal nabi af'alu taqriratu wa awsafu al-khalqiyya wal-khuluqiyya, c'est les paroles, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ce à quoi il a consenti, ou bien ses caractéristiques moraux ou physiques. Ça c'est la sunnah. Ici, dans le hadith, donc c'est le hadith. C'est le hadith qui est voulu par la sunnah ici, c'est dans le hadith. Par le biais du hadith, on distingue ce qui est juste et ce qui est faux. Ensuite, par le biais de la sira, le Coran, le karnahu, l'awala, thumma sunnah al-hadith, al-an, al-sira. Question, pourquoi est-ce qu'on mentionne le hadith et la sira? La sira, c'est l'histoire du prophète Fassan. Pourquoi est-ce qu'on mentionne, on les mentionne? Quelqu'un pourrait dire, mais tu viens de nous dire la sunnah, t'aurais pu te suffire de cela. Pourquoi? Parce que la sira, c'est le fait de mettre les hadiths dans le contexte dans lequel ils étaient. Il se peut que tu lises un livre de hadith, tu lis dans le Bukhari, tu lis un hadith, une partie d'un hadith, mais tu ne connais pas le contexte dans lequel ce hadith-là, le professeur Sam, il l'a dit. Et ça, c'est la sira, c'est ce qu'on appelle le fiqh, l'érudition, la compréhension de ce qui est attiré du hadith. La meilleure manière de comprendre cela, c'est la sira. Il en est ainsi pour le Coran. Tu sauras quand ce verset il a été révélé, dans quel contexte? Dans la sira. Dans quel contexte il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sur qui il est descendu? À cause de quel acte, de quelle personne Allah azawajal a révélé ce verset-là, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour ça qu'il a été mentionné en fait d'une manière à part entière, indépendamment du hadith ici. La sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la sira, on connaît ce qui est juste et ce qui est droit et ce qui est la voie de la droiture et la voie de l'égarement, ainsi de suite. Ensuite, le dernier, la compréhension des pieux prédécesseurs. Et à leur tête, les quatre califes et al-muhajirin wal-ansar, alladhina radiyallahu anhum wa radu anhum, les muhajirin et les ansar, ceux qu'Allah a agréés, ceux qui ont agréé Allah, azza wa jalla. Par cela, l'homme distingue. Regarde, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Qu'est-ce qu'on a dit sur la suite du verset? Quant à celui qui mécroit au tagout, tout en ayant la foi en Allah, il se sert accroché au lien solide qui n'est pas sujet au fait de se défaire ou de se dénuer, Allah Azzawajal est omniscient et Allah est audient et omniscient. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Le kufr. Qu'est-ce qu'on a dit sur le kufr? C'est quoi le kufr? C'est quelque chose qui est sous. Non, c'est une couverture. Vient dans la filourat al-arabe ou alahu ma'na satr. Il couvre une chose. Et là, le deuxième sens, s'il y a deux sens avec lesquels on peut résumer tous les sens, tous les contextes dans lesquels cette racine kafara, elle est employée dans l'arabe, si on veut la résumer en deux mots, c'est le fait de cacher, de couverture et l'obscurité. Ça, c'est les deux sens. C'est pour ça que le mot kufr, il est venu en désignant le qabr aussi. Aïnd al-arab. Le qabr. La tombe. Parce que dans la tombe, on cache, et puis c'est obscur. Et vraiment, subhanallah, on voit la richesse de l'oral arabiya, de la langue arabe, subhanallah. Lorsqu'elle désigne la mécréance, le reniement, c'est vraiment, le reniement, c'est une obscurité, et c'est le fait de cacher. C'est le fait de cacher quoi? De couvrir quoi? La vérité. De couvrir quelle vérité? Celle sur laquelle Allah a créé toutes les âmes. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. La nature saine dans laquelle Allah a créé les gens. Il n'y a pas de changement à la nature d'homme. C'est-à-dire que l'homme qui est kafir, il est sorti de sa base, il couvre sa base par une saleté, parce qu'Allah ne l'a pas créé. Allah a créé ses serviteurs monothéistes. Et il nous dit, dans ce hadith Qudsi, où le prophète nous relate la parole d'Allah, « Khalaqtu ibadi hunafa, fatathum shayatin, fajtalathum andini. » J'ai créé mes serviteurs monothéistes. Les démons sont venus à eux, et ils les ont égarés de ma religion. Quelle est cette religion? C'est al-Hanifiyya, c'est al-Tawhid, c'est le monothéisme, le fait d'être purement monothéiste. Donc, une personne qui adhère au kufr, même s'il naît là-dedans, en fait, il n'est pas né kafir. Il naît sur ce sur quoi Allah azawajal l'a créé. Comme le dit le prophète sallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Chaque nouveau-né naît sur la nature saine. C'est ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Donc l'être humain est né monothéiste à la base. Donc quand le kufr vient, il cache cette nature saine, il couvre cette nature saine et il installe une obscurité dans le cœur et dans la vision et dans la vie de l'être humain. Donc c'est pour ça qu'on voit certains frères, et ça les frères qui sont convertis à l'islam peuvent nous enseigner cela et nous dire, si on les interroge, certains d'entre eux, moi j'ai eu discuté avec certains d'entre eux, ils me disent, lorsqu'il adhère à l'islam et qu'il rentre dans l'islam et qu'il comprend l'islam, et plus il apprend l'islam, plus il se dit, mais subhanallah, je suis revenu à une chose sur laquelle je devais être en fait. Je suis revenu chez moi. C'est comme s'il est venu de loin pour retrouver ça, son gîte, son lieu là où il doit être. C'est son chez-soi en fait. C'est pas une chose à laquelle il a adhéré où il se sent, c'est une chose où il est étranger. Par rapport au dîn, on parle, je ne te dis pas par rapport au contexte dans lequel tu vis, où il se peut que tu sois étranger dans ta famille et ainsi de suite, mais par rapport à la religion et ce que tu trouves dans la religion, plus tu apprends l'islam, même si tu n'as pas été musulman et tu as adhéré à l'islam hier, plus tu apprends l'islam, plus tu vois que c'est chez toi en fait. C'est chez toi, que tu es là où tu dois être, ce sur quoi Allah Azzawajal t'a créé. Ce sur quoi Allah Azzawajal t'a créé. Quant au Tarout, qu'est-ce qu'on a dit? Tout ce dont les limites sont dépassées. On dépasse les limites au sujet de cette chose-là en l'adorant ou en le suivant ou en lui obéissant. Comme l'a dit Ibn Qayyim, c'est que le tarout, c'est toute chose par le biais de laquelle on dépasse les limites. On sort des limites du raisonnable, de la raison et du révélé en l'adorant. Ou en lui obéissant, ou en le suivant. L'exemple des tawarites dans l'adoration, le tarout dans l'adoration, toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est un tarout. Et si cette chose-là, elle n'a pas demandé à ce qu'on... par exemple, l'Iblis, c'est un tarout. C'est un tarout dans tous les sens du terme, parce qu'il consent à ce qu'il soit adoré. Il consent. Ainsi que d'autres personnes qui se prétendent être prophètes et où les gens leur vouent un culte. Et ils sont d'accord que les gens leur vouent un culte. C'est des tawarites dans tous les sens. Ils consentent au fait qu'ils soient adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on leur dédie ce qui est propre à Allah, qui est le culte. Mais on a mentionné un point qui est intéressant. C'est que si la personne en soi... elle est adorée, mais qu'elle, elle ne voulait pas ça. Elle ne veut pas ça. Ou bien alors, encore pire, elle a averti contre ça. Exemple de cela, Aïssa ibn Maryam. Aïssa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, a dit au fils d'Israël, « Abudullah, Rabbi, Rabbakum, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Mon Seigneur et votre Seigneur. Donc Aïssa ibn Maryam, est-ce qu'on peut dire de lui que c'est un tarout? On dit quoi alors? Le culte qui lui est voué, c'est un tarout. Le culte qui est voué à Isa fait partie du tarout. Tandis que Isa ibn Maryam, la personne d'Isa, en soi, la vraie personne d'Isa, qui s'est distancée du fait qu'on l'adore et qui a averti les gens de cela, n'est pas un tarout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. J'ai une question. Tu dis, est-ce qu'adorer, c'est l'adoration, c'est... les statues de ce qui est adoré ou... l'adoration qui lui est vouée. le culte qui lui est voué, ou bien la représentation qui est faite de lui, parce que c'est pas lui en fait. Non. Est-ce que c'est clair? Mais la personne de Isa, haqiqatan, laysa bi taghut. Wa laysa bi taghut bi dhati. Est-ce que c'est clair? Non. Ensuite, la deuxième chose, min matbu'a. Ah, c'est le fait qu'on dépasse les limites en suivant une personne excédemment au point où on la suit même s'il s'agit de désobéir à Allah. Même si il s'agit de la suivre, même si cela implique la désobéissance d'Allah. L'exemple de cela, les imams égarés. Al-a'immatul mudillin. Les dirigeants religieux qui se sont égarés. Et dont leurs suiveurs les aiment éperdument au point où même si on leur montre la vérité, hein, même si on leur montre la vérité à la lumière des arguments, ah, ils n'acceptent pas en fait de revenir à la vérité, mais ils s'accrochent en fait au fait de suivre, cet égareur égaré. D'accord. S'il s'agit ici, ce qu'on veut dire par cela, c'est pas des imams qui font un effort dans la religion, hein, qu'on se comprenne bien. Et puis la personne suit cet imam parmi les imams des madhahib ou X ou Y, et il la suit dans une erreur qu'il a faite. Ici, on ne va pas dire que c'est un tarout l'imam, hein, parce que l'imam, lui, ne t'a pas demandé de le suivre dans le faux, et le fait que tu le suives de cette manière-là, c'est du jahl. Mais ça n'atteint pas ce degré-là, en fait. Ici, il s'agit de personnes qui appellent ouvertement, alors qu'ils sont conscients qu'ils appellent à l'égarement, hein, et que malgré cela, les gens les suivent éperdument. Exemple, certains imams soufis. Certains imams soufis qui se rendent permis le zina, hein, et qui se disent qu'ils n'ont plus besoin de faire la prière parce qu'ils ont atteint un degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Yaqin, mashallah. Ma'aruf, vous connaissez ça. Hein, et que les gens malgré cela les suivent et leur obéissent, malgré que cela implique la désobéissance d'Allah. Est-ce que c'est clair? Les exemples sont clairs. Ensuite, la troisième catégorie, min muta'a, une personne qui obéit au point où on lui obéit au point où même cela implique une désobéissance à Allah, on obéit à cette personne. Ici, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants. Si un dirigeant il te pousse au haram ouvertement, en sachant que cela c'est haram, et que tu lui obéis en cela, hein, et qu'il contraint les gens à cela, tu lui obéis à cela, ça, il rentre dans la catégorie du tarout. On a précisé la dernière fois, ces choses-là, est-ce qu'on les apprend pour ouvrir la télé et juger les dirigeants aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ces choses-là, tu les apprends pour la compréhension religieuse du mot tarout. Quant à la mise en pratique au fait de juger qui est un tarout et qui n'est pas un tarout, c'est le travail des... Ahlulayl. C'est le travail des qudat, des juges. Et ni toi ni moi, on est des juges. Donc, il ne faut pas qu'on se mette dans une position personne ne nous a demandé de faire cela. Et nous, on se met dans une position que même le juge lui-même, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Celui qui est juge et pieux, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'on le contraint à ça. Parce qu'il faut que quelqu'un fasse cela, fasse ce travail. Mais si tu prends les paroles et les sagesses qui ont été tirées des juges musulmans anciens et dans des époques par la suite, tu vois que s'ils auraient pu sortir de la terre ou n'avoir jamais existé, ils l'auraient fait. Quand ils te parlent du fait qu'ils ont été chargés par Al-Qadha, par le fait de juger. C'est pour ça que Ibn Daqiq Al-Aïd, rahimahullah, dit « Deux savants, parmi les savants musulmans, marchent sur une falaise, sur une bordure parmi les falaises de l'enfer. » C'est-à-dire ils sont sur une bordure proche de tomber. Qui sont-ils? Lui ont dit Yachir. Il a dit « Le savant de la critique et le juge. » Ils lui ont dit « Pourquoi est-ce que tu dis ça ?» Il a dit « Parce que ce sont ceux qui sont le plus proches de l'honneur des musulmans. » Ibn Daqiq Al-Aïd, rahimahullah, parmi les grands savants musulmans, a dit cela. Donc, c'est une responsabilité qui est lourde. Mais ici, il s'agit d'apprendre de certaines normes qui nous ont été données en religion afin que ce mot-là ne nous soit pas méconnu. Et pas d'allumer la télé, de regarder les infos, de dire « Celui-là, c'est un tarout, celui-là, c'est un tarout, celui-là, c'est un tarout, celui-là, c'est un tarout. » Là, fais tes propres comptes avant qu'on te les fasse et ne commence pas à juger les créatures d'Allah. Je pense que chacun d'entre nous a assez de travail avec sa pauvre et faible personne. Ensuite, On a mentionné que le kufr, à lui tout seul, le fait de renier le tagout, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est une négation. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Ça ne suffit pas. La buddha bil imani billah. Donc tu dois mécroire en tout ce qui est adoré, suivi, obéi en dehors d'Allah, tout en confirmant l'adoration, l'obéissance et le suivi à Allah Azza wa Jal, seul, unique et sans associé. Afin que tu complètes ta foi, tu réalises ton iman. Tu réalises ta foi, ton iman. Et on a mentionné que le kafir ala l'itlaq, c'est qui? C'est qui le kafir ala l'itlaq? On a mentionné la parole de Ar-Raghib. Hein? Non. C'est même celui qui renie al-wahdaniya wa al-nubuwa, wa ou al-wahdaniya ou al-nubuwa ou al-sharia ou al-thalatha. C'est celui qui renie l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la prophétie ou bien la législation, ou bien une de ces trois ou bien les trois. Ar-Raghib al-Isfahani, bi-ikhtisar, قال الكافر على الإطلاق هو من يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة. C'est celui qui renie l'unicité ou la prophétie ou bien la législation. Question. Celui qui renie la prophétie, est-ce que ça veut dire la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Tous les prophètes. Tous les prophètes. N'importe quel musulman qui renie un prophète parmi les prophètes d'Allah, même s'il prie, il fait ses cinq prières, il fait le hajj, il fait tout, il dit moi je ne crois pas en nous, kafir. Il est en enfer pour l'éternité. Est-ce que c'est clair? Alhamdoulilah, ça c'est la justice. C'est la justice de l'islam. C'est pour ça qu'il a été, cette parole où ils ont dit à je ne me rappelle plus lequel parmi les savants du hadith, des gens parmi les gens du livre lui ont reproché, lui ont fait une reproche, lui ont dit pourquoi est-ce que vous les musulmans, vous avez le droit de marier nos filles, et nous on n'a pas le droit de marier les vôtres. Elle dit parce que nous, on a la foi en Moussa ibn Imran et en Isa ibn Maryam. Et le jour où vous aurez la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on vous marie nos filles. Et chez l'Ishkel. Alhamdulillah. C'est une réponse logique. C'est-à-dire, vous serez musulman, on sera plus ce souci-là. Donc, alhamdoulilah, c'est une réponse juste. C'est juste, en fait, enfin. C'est quelque chose de très juste. Même, aqliyan, yastaqim. Même dans le niveau, au niveau du raisonnable, c'est une chose qui tient debout. C'est une chose qui tient debout. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Sur la foi en Allah. La foi en Allah, c'est le fait d'avoir foi en quoi? Mal iman ou billah? Ma huwa? C'est quoi la foi en Allah? Subhanallah. Hein? Je crois en Allah, aux anges, aux livres révélés. Ça, c'est l'iman. Ça, c'est l'iman. Moi, je te demande la foi en Allah. Ma huwa l'iman ou billah? هذا الإيمان يا عبد الله نحن نريد الإيمان بالله وقر في الصدق وصدقه العمل هذا هو الإيمان أيضا الله أكبر mon frère والله أخي si ça continue comme ça on va mettre des punitions. C'est ça, c'est comment est-ce qu'on a foi en Allah? Kayfa tu'minu billah? Tu'minu billahi rabban wa ilahan wa tu'minu bi asma'i wa sifati wa tu'minu bi anna lahu al-wujud al-mutlaq. Tu crois en Allah comme Seigneur, tu crois en Allah comme seul avoir le droit d'être divinisé. Tu Tu crois en Allah, en ses noms et ses attributs. Et tu crois en l'existence d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala existe. قل هو الله أحد هو الله الذي لا هو أي موجود له وجود تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن جل وعلا il a une existence éternelle qui n'a pas connu de début qui ne connaîtra pas de fin elle est parfaite et si l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala je pense pas qu'un homme raisonnable parmi les musulmans la renie. C'est vrai ou pas? Wujudullah. Est-ce qu'Allah il a une existence? Hal lahu wujud? Hal lahu wujud? Oui. Non, oui. Anta, hal indak wujud? Anta mawjud? Oui. Laisse nafs al wujud. Anta mawjud aw la? Mawjud. Fahas. Mawjud. Allah azza wa jalla existe, toi tu existes. Al-an. Moi j'existe aussi aujourd'hui. Anta tatafalsaf. Moi j'existe aussi. Non. Toi et moi on existe. Toi et moi, est-ce qu'on est les deux des créatures pareilles? On est des fils d'Adam, c'est vrai? Est-ce que mon existence et la tienne elle est pareille? Non. Min haythu al-jumla, non. Min haythu al-tafsil, la. D'une manière générale, globale, oui. Et d'une manière précise, non. D'une manière globale, comment elle est pareille? Parce que toi et moi, on a été créés. On ne sait pas. Toi et moi, on a connu un début. On n'a pas toujours existé. Et toi et moi, on connaîtra une part. Et toi et moi, dans notre existence, il y aura des hauts, des bas. Hein, et on est dépendant dans notre existence. Donc ça, c'est pareil. Mais si on regarde dans les détails, ton existence et la mienne, elle n'est pas pareille. Malgré qu'on est deux créatures identiques. On est tous fils d'Adam. Hein, elle n'est pas pareille. Pourquoi? Parce qu'il se peut que toi, tu existes 100 ans et que moi j'existe 30 ans. Il se peut que toi dans ton existence tu sois riche et que moi dans la mienne je sois pauvre. Il se peut que toi dans ton existence tu sois 5, moi je sois malade. Et ainsi de suite. Donc tu vois quand on est deux créatures pareilles, on a le même attribut, on a un attribut qui s'appelle la même chose, mais dans les détails il n'est pas pareil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'existence d'Allah, elle n'est pas du tout pareille, comme l'a dit le frère au début. Hein? Elle n'est pas du tout pareille. Allah, il a une existence. Lahu wujud. Yusaf bil wujud. Lahu sifatul wujud. Wa anta tusaf bil wujud. Lakin wujuduka. Ghayra wujudillah azza wa jal. Wujudullah kamil. Lahu al kamal mutlaq. Wujuduka naqis. Muftaqirun ila Allah azza wa jal. Allah azza wa jal existe. Son existence est parfaite. Il est éternel. Hein? Ton existence à toi. Tu existes, mais elle est mon compte. Déficient. Tu es faible. Tu n'arrives même pas à être responsable de toi-même, en réalité. Est-ce que c'est clair? إذن لو كان هذا في الوجود فما يمنعك أن تصف الله بما وصف به نفسه. Si tu as accepté ça dans l'existence, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas ça dans les autres caractéristiques? في الحياة, في العلم, في البصر, في السمع. في اليد في الوجه ما انك اقرت يعني اتضح ذلك الامر عندك في الوجود لماذا انت تخالف هذا في صفات اخرى الوجود موجود عند غير الله عز وجل اوجد الله الخلائق فللخلائق وجود pourquoi est-ce qu'après quand il s'agit d'autres caractéristiques d'autres qualificatifs parmi les qualificatifs d'Allah, tu ne fais pas la même chose comme sur l'existence. Fais la même chose. Pratique ce que tu as pratiqué sur l'existence. Tu dis Allah, il a une existence, mais son existence, elle ne ressemble pas à l'existence des créatures. Et tout ce qu'Allah dit qu'il a, je dis qu'il l'a, mais ça ne ressemble pas à celle des créatures. Et tout ce qu'Allah refuse sur sa personne, je le refuse en confirmant l'opposé de cela qui est la perfection. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah, nulle divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Il n'est ni pris de somnolence ni de sommeil. Hein? Allah, nulle divinité en droit d'être adoré à part lui. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, celui par le biais duquel tout un chacun subsiste. Il n'est ni pris de somnolence ni de sommeil. Donc, al-hayy, athbata sifat al-hayat wal-qayyumiyya, wa nafa النقص وهو السنة والنوم في الموضوع هذا. الله a confirmé l'attribut de la vie et toi tu as une vie aussi. Mais ta vie elle n'est pas du tout pareille que celle d'Allah. Allah Azza wa Jalla a confirmé l'attribut de l'Qayyumiyya, l'autosubsistance et le fait que tout le monde subsiste que par lui, tout en refusant le manquement qui s'oppose à cela, qui est une pseudo-absence, qui est la somnolence ou le sommeil. Donc la foi en Allah, elle s'établit sur 4 piliers. Le fait de croire en Allah comme Seigneur, le fait de croire en Allah comme divin, qu'il est le seul à avoir le droit d'être adoré, le fait de croire en Allah en ses noms et ses attributs, et le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 4 piliers-là, ils impliquent 2 choses. La foi en Allah implique 2 choses. Quelles sont ces 2 choses-là? On a mentionné ça la dernière fois. Al-qaboul wal-iz'an. Le fait d'accepter ce que tu viens de dire et d'accepter ce que ça implique, et le fait de te soumettre à ce que ça implique. Donc la foi en Allah, elle est composée de 4 points et elle implique 2 choses. Elle est composée de ce qui vient de vous être mentionné. Allah c'est le Seigneur, Allah c'est le seul à avoir le droit d'être adoré, Allah il a la perfection, donc on croit en ses noms et ses attributs, et Allah a lui l'existence totale. Et cela, quand tu as cru en cela, ça implique 2 choses, ça implique que tu acceptes entièrement et que tu te soumettes à cela entièrement. Ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Subhanallah. Ça reste, il n'y a pas beaucoup de choses qui restent. Vous vous occupez trop la semaine, je pense. Vos esprits. Cheikh, de poser une question. Le hadith de l'imam Malik, quand le monsieur a posé la question. Non. Allah ar-Rahman wa ala al-Arash istawa. Kayf istawa. Kayf istawa. Al-istiwa ma'lum wa al-kayf majhul wa al-iman bihi wajib. والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة وأنت صاحب بدعة. نعم وأراك صاحب بدعة. لا. لكن est-ce qu'aujourd'hui, tant que les compagnons du prophète n'ont pas posé ce genre de questions au prophète sur l'istiwa, etc., qu'aujourd'hui ceux qui posent, c'est une bidâ en fait. Est-ce qu'on peut considérer comme ça? Le fait de demander kayf, c'est une bidâ. Non, c'est pour ça que les salaf, l'Awza'i, l'imam Ahmed et d'autres ont dit amirruha kama atat bila kayf. Faites suivre les versets et les hadiths qui parlent des noms et des attributs d'Allah comme elles sont venues. Ne demandez pas comment. Hey, bila kayf na'lamu. Laysa bila kayf lahu wujud. Ça veut dire bila kayf sans comment. Si on prend cette parole à sans comment, ça veut dire les noms et les attributs d'Allah, il faut croire en ça, mais ils n'ont pas de comment. Ashay alladhi la kayf lahu. Ma huwa. الشيء الذي لا كيفية له ما هو العدم صح العدم لا كيفية له le néant il a pas de comment. Donc ici ce qui est voulu par la parole des salaf amirruha kama atat bila kayf et bila kayf na'lamu bila an tas'alu an kayfiyati hada idh kayfiyatu sifat Allah azza wa jalla la ya'lamuha illa لا يعلمها جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا حملة العرش ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم الخليل ولا موسى كليم الله ولا أحد من خلق الله عز وجل. Car la réalité du comment est Allah, personne ne la connaît si ce n'est Allah. Personne. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Jibril, ni Mikaïl, ni Israfil, ni ceux qui portent l'arche. Il y en a mentionné. L'arche, est-ce que c'est l'arche qui a besoin d'Allah ou Allah qui a besoin de l'arche? Qui a besoin de l'autre? L'arche, il a besoin. Allah l'a créé. est-ce que c'est l'arche qui contient Allah ou c'est Allah qui contient l'arche? Allah Azzawajal contient l'arche. Il le détient, Jalla wa'ala. Il détient toute sa création. Donc, il y a le commentaire des attributs d'Allah, le fait juste de commencer à y penser, c'est un égarement. Et c'est ça qui a poussé les gens à renier les attributs d'Allah. Parce qu'ils ont commencé à penser. Fakkaru fil kif. Billawazi, qalu idha qultu lahu yad, fa hadha yastalzim kifa yadu, aw yastalzim anna kadha wa kadha, fa aqulu la yad la. Wa awwalu al ma'na ila al quwwa. Ayna al mafar? C'est ça qui a poussé les gens à renier. Parce qu'ils ont commencé à dire, hein, à réfléchir. Ils ont dit, si je dis qu'il a une main, ça veut dire que sa main, ça veut dire par implication. Donc, ça veut dire qu'il ressemble à ses créatures. Donc, je dis, dis ce qu'Allah Azzawajal a dit. Hein? Le prophète Sassam dit, Al-Jannatu turbatuha al-misk. Al-Za'faran. Le paradis, sa terre, c'est le parfum prestigieux. Comment est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que tu connais l'odeur de ce parfum? Allah Azzawajal te parle de fruits que nous on connaît. Mais est-ce que ces fruits-là sont comme ceux qu'on a vus ici? Pas du tout. Ni dans le goût, ni dans l'aspect, ni dans rien du tout. Mais il te donne une chose pour que tu t'identifies. Hein? Si tu commences maintenant, si on te parle déjà de Hur al-Ayn, elles sont décrites comme elles sont décrites. Leur peau, hein, elle est au point si fine qu'elle est transparente. Tu dis, A'udhu billah. Hein? Avec ton aql dans le dunya. Tu dis, Astaghfirullah. Elle sort comme ça la nuit, elle te dit, je suis ta femme. Tu dis, moi, je ne veux pas. Hein? Tu fuis. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller te savoir. C'est une chose qui te dépasse. C'est des descriptions qui te dépassent. On te montre de la beauté. Que dégage leur visage et tout, alhamdoulilah. Mais si on te décrit comme ça, tu commences à réfléchir dans les détails par rapport à ce que toi tu connais dans le dunya. Est-ce que c'est clair? Hein? Il se peut que le jahil après ça il dit, oh Allah ne me marie pas, oulay. Hein? Il dit Allah, hein? Les jahili. Est-ce que c'est clair? Donc, قل في الله ما قال. وَمِنْ بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ وَهَذَا يَكْفِيكَ فَحَسْبُكَ. Dis au sujet d'Allah ce qu'il a dit sur sa personne et aie foi en ce qu'Allah a dit sur sa personne et en ce sur quoi t'a informé son prophète, et ça là te suffit. Voilà, ça c'est tout, ça te suffit. Et laisse la voix des philosophes, al-falasifa, hein, parmi les musulmans qui ont pris ça de Aristote et de Socrate, hein, ils ont pris ça des Grecs. Jette ça à la poubelle. Oui, mais si, oui, mais ça implique que ça implique que ça implique, et finalement, ça implique, et faut, à la fin, tu lui dis, ça implique que t'es sorti. Tu vois? À force d'impliquer, hein? Et. Ba'adta nafsaka. Non. On continue, Inch'Allah. On prend le Et avec ça, on aura terminé ce qu'on avait programmé de faire au sujet de Ayat al-Kursi, le verset qui vient avant et les deux versets qui viennent après, Inch'Allah ta'ala. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, wa ba'd. يقول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah سبحانه وتعالى dit dans la traduction du sens de sa parole, Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les extrait des ténèbres pour les orienter vers la lumière. Quant à ceux qui renie, dans le sens de la foi, leur allié, ce sont les tarouts. Ils les font sortir de la lumière pour les diriger vers les ténèbres. Oulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Voici donc les habitants du feu, afin qu'ils y demeureront éternellement. Donc ce verset-là, C'est un verset très important dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala montre qui sont ses alliés et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala montre qui sont ceux qui ont choisi une autre voie que la voie de l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie de la foi. Et il dit Allahu waliyul ladina amanu. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Et qu'est-ce qui est voulu par cette alliance ici? C'est al-wilayatul khassa. C'est l'alliance qui est précise et restreinte. Vu que l'alliance d'Allah Azzawajal, al-wilaya, le mot wilaya en arabe veut dire alliance, mais il veut aussi dire le fait de maîtriser, le fait d'être le maître d'une chose ou le dominateur ou le responsable. Hein? Et la responsabilité d'Allah est de deux sortes. Une responsabilité restreinte, hein, où il est responsable des croyants car il est leur allié, et une responsabilité générale où il est le dominateur suprême, il est responsable de ce que vont manger, combien vont vivre, est-ce qu'ils seront malades ou est-ce qu'ils ne seront pas malades, et cela, il est responsable de toute la création, croyant ou pas. C'est une responsabilité générale, wilayatun amma. Et en celle-là rentre aussi le kafir, car Allah azawajal nourrit même celui qui le renie. Et ceci, en cela, il y a une énorme méditation pour une personne qui renie Allah azawajal. Juste s'il se dit, subhanallah, je le renie, et lui il me nourrit. Et il me donne du temps. Donc juste ça, normalement, un esprit éveillé et un cœur dans lequel il y a encore une sensibilité et qui émane de sa nature saine, alhamdoulilah, ça peut être une cause pour son repentir et son retour à Allah azawajal, afin d'éveiller une gêne dans le cœur de cette créature. Ensuite, il dit yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Il les sauve, il les fait sortir des ténèbres pour les orienter vers la lumière. Les ténèbres et la lumière. Donc ici les ténèbres sont venues au pluriel, hein, au pluriel, dans le nombre à plusieurs, au pluriel. Les ténèbres et la lumière, elle est venue au singulier, une seule. Pourquoi? Car les voies des ténèbres sont innombrables. Hein? Les voies des ténèbres sont beaucoup, sont énormes. Tandis que la voie de la lumière, elle est une, seule, unique. Hein? Il n'y a pas en islam tous les chemins, ce principe où tous les chemins te conduisent à Mecca. En islam, il n'y a qu'un seul chemin qui te conduit à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est Siratullahi al-Mustaqim, c'est le chemin d'Allah qui est droit. Tous les chemins ne conduisent pas à Allah, azza wa jal. Le chemin qui conduit à Allah, il est défini en islam, alhamdoulilah, celui qui veut l'emprunter arrivera à bon escient, celui qui s'obstine à chercher autre que ce chemin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Allah azza wa jal dit, nous le laissons sur ce sur quoi il a ce qu'il a choisi de suivre, puis nous le conduirons en enfer, sa destinée finale sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quant aux ténèbres, elles sont de trois catégories. Dans l'ensemble, elles sont de trois catégories. Les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du kufr et les ténèbres de la perversité. Ça, c'est les trois ténèbres. Et là-dedans, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tout égarement qu'il y a, tout ténèbre, il rentre dans un de ces trois groupes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le livre à son serviteur, ainsi qu'il lui a exposé des versets, afin de faire sortir les gens des ténèbres pour les orienter vers la lumière. Il dit جل وعلا هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. C'est lui Allah qui révèle sur son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des versets explicites afin de vous faire sortir des ténèbres pour vous orienter vers la lumière. Et quant à ces trois catégories de ténèbres, on peut les retrouver dans la catégorisation des ténèbres. Dans ces trois catégories, elles se retrouvent dans le Coran. Lorsqu'on lit les versets où Allah Azzawajal parle de l'égarement et des ténèbres, on trouve en fait que, d'une manière globale, elles rentrent dans une de ces trois catégories. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, « أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا » Est-ce que donc celui qui était mort, puis nous lui redonnâmes vie, et pareil, nous lui redonnâmes une vie par le biais de laquelle il marche au milieu des gens. Est-ce que celui-là est-il pareil à celui dont son exemple est l'exemple d'une personne qui est plongée dans les ténèbres et qui n'en sortira jamais? Est-ce que l'exemple d'un homme qui était mort et qu'Allah a fait revivre, et avec cette vie-là, il marche et il marche et il côtoie les gens. Hein? Est-ce que celui-là, il est pareil à celui qui est comme l'exemple d'un homme qui est dans des ténèbres enfermées et qui ne sort jamais de ces ténèbres-là? Ils ne sont pas pareils. Donc ici, dans ce verset-là, Cheikh Abdurrahman Asiadi dit celui qui est dans les ténèbres plongées, hein, c'est celui qui est dans les ténèbres de l'ignorance, ou bien les ténèbres de la mécréance, ou bien les ténèbres de la perversité. Et Allah Azzawajal a donné vie à celui à qui il a donné vie par la science, par la foi et par les bonnes œuvres ou l'accrochement à la religion. Et donc l'homme, c'est comme s'il était mort, et Allah Azzawajal lui donne vie par l'ilm, par l'iman et par l'tamassouk. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, lorsqu'il parle de ce point-là, il fait mention de ce verset-là en tant qu'argument pour les ténèbres de l'ignorance. Il dit c'est l'ignorant. Car il était ignorant, Allah Azzawajal lui a enseigné, puis voilà qu'il côtoie les gens et il leur enseigne. Hein? Et il peut être profitable aux gens après avoir profité lui-même. Il n'est pas pareil à celui qui est enfermé dans des ténèbres, qui ne voit pas, ni pour lui, comment est-ce qu'il peut orienter quelqu'un d'autre que sa personne. Et Allah Azzawajal dit « وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا ظِلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَلَا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Est-ce que l'aveugle est pareil au voyant? Est-ce que les ténèbres sont semblables à la lumière? Est-ce que l'ombre est semblable à l'exposition à la chaleur du soleil? Est-ce que les vivants sont semblables aux morts? Hein? Donc tout cela ne sont pas semblables. Hein? Certes, Allah Azzawajal fait entendre qui il veut. Donc ici, il s'agit du fait d'éloigner l'ignorance. Car l'homme entend la vérité, il l'accepte, il est consenti, donc l'ignorance est éloignée de lui. Yusmi'u man yasha. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Et ce n'est pas toi, Muhammad, qui va faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Donc c'est des gens qui sont déjà morts. قُلُوبُهُمْ مَيِّتَ. Tu ne peux pas les faire entendre. Tu vas lui rappeler des paroles, mais il ne veut pas écouter. Il s'est décidé de ne pas écouter. Donc on voit ici qu'il est dans les ténèbres de quoi? Du jahl. هُوَ فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ. Il est dans les ténèbres de l'ignorance. Et Allah l'a comparé à une personne qui est وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Tu ne pourras faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Donc la tombe, c'est un lieu qui est ténébreux. Et cette personne-là, elle est dans les ténèbres de son ignorance. C'est pas toi qui vas le faire entendre. In anta illa nadhir. Tu n'es pas autre si ce n'est un avertisseur. Ta situation n'est pas autre que la situation d'un avertisseur. Donc tu dois avertir les gens, mais tu ne pourras pas les forcer à t'écouter ou à prendre de toi. Non. Et regarde, ce qui est intéressant, subhanallah, c'est de voir la suite. Inna arsalnaka bilhaq. Nous t'avons envoyé avec la vérité. Subhanallah. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité. Après tout ça, tout ce développement et le fait d'exposer la situation des ignorants, qui est une situation ténébreuse, car ils refusent, mais c'est fort le Coran. C'est très fort le Coran, subhanallah. Si tu lis le Coran comme ça et puis tu médites, et puis tu regardes, subhanallah, la concordance des versets les uns avec les autres, et les mots, et le poids des mots, c'est perçant. Inna arsalnaka bilhaq. Hein? Jusqu'à, oui, la suite du verset. Mais juste, si tu viens juste là, tu vois, subhanallah, on t'a envoyé avec la vérité. Avec la religion de vérité. Donc, ça ne sert à rien. Celui qu'Allah veut faire entendre, il le fera entendre. Et celui qu'Allah guide, il le guide par ses faveurs, et celui qu'Allah égare, il l'égare par sa justice. Celui qu'Allah égare, il s'égare, il l'égare par sa justice. Et ensuite, la deuxième catégorie de ténèbres, c'est les ténèbres de la mécréance. Il est clair que la mécréance en soi, le mot kufr, on a vu que parmi les sens de ce mot-là, c'est quelque chose de ténébreux. Donc, quant au fait que la mécréance soit ténèbre, Allah Azzawajal expose au début de Surat Al-Baqarah la situation de ceux qui renient la foi. Il dit « Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim rishawa wa ala absarihim rishawa. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawa. Allah a scellé leur cœur ainsi que leur ouïe et un voile épais leur couvre la vue. » Et quand l'homme il a un voile épais, il est dans quoi? Il est dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière, il ne voit rien. Subhanallah. Hein? Donc, zulmatul al-kufr. Zulmatul al-kufr. Et, walahum azabun azim, et ils auront un châtiment douloureux à la fin du verset. Ensuite, la deuxième sorte de mécréance. La mécréance, il y a une mécréance qui est évidente. Et l'autre mécréance, la mécréance cachée. La mécréance de qui? Du munafiq, de l'hypocrite. De l'ostentateur d'une grande ostentation. Mais si tu dis de l'hypocrite, c'est plus clair. Du munafiq. L'hypocrite, il expose la foi, mais il cache la mécréance. Il n'est pas croyant. Hein? Il vient peut-être, il s'assoit, il écoute les gens pour voir ce qu'ils se disent, ce qu'ils savent, mais il n'a pas la foi. Miskin. Hein? S'il entend des paroles comme celle-là, hein? Malgré la faiblesse et la pauvreté de celui qui les dit, et qui ne trouve pas la vérité là-dedans, qu'Allah Azzawajal le sauve. Allah le sauve et nous sauve. Hein? Donc, l'hypocrite, c'est ça. Il vient, il expose l'iman, hein? Et il cache, en fait, il cache la mécréance. Et lui aussi, il est dans des ténèbres. Il est dans des ténèbres évidentes. Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne cela. Il dit, « مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدْ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. » Leur exemple est comme l'exemple de ceux qui ont allumé un feu. Et lorsque le feu a éclairé tout ce qu'il y a autour d'eux, ils ont vu tout ce qu'il y a. Ils ont dit, il y a ça ici, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça. Ah, ça c'est comme ça, ah oui, ça c'est comme ça. Hein? Ils ont tout vu. Allah, Azzawajal, on a la foi comme ça en Allah. Allah nous a créé, c'est vrai. Ah oui, l'argument de cela, logique c'est ça, l'argument religieux c'est ça. Il a tout vu, il a tout entendu. Il a tout vu. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Lorsqu'il a vu tout ça, Allah a ôté leur lumière. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. Et il les a laissés dans des ténèbres, hein, et ils ne voient plus. La suite du verset. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. Sourd, hein, muet, aveugle, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Pourquoi? Parce que quand tu refuses la vérité après qu'elle te soit devenue claire, après que tu sois convaincu que c'est la vérité et tu l'as refusée, tu t'obstines à la refuser, subhanallah, c'est une voie d'égarement sans retour. Une fois qu'elle te soit devenue claire, et regarde, l'exemple de cela, c'est quoi? C'est qui? C'est Abu Jahl. Abu Jahl, Abu Lahab. Hein? Mais Abu Jahl, sarrah. Il a dit, je sais que Mohammed ne ment pas et qu'il dit la vérité. Et il l'a refusé, pourquoi? Pour un intérêt mondain. Pas de voie de retour. Alors qu'en opposé à cela, Omar ibn al-Khattab, avant qu'il ne soit musulman, les musulmans n'osaient pas prier devant la Kaaba. Hein? Et ils connaissaient de lui ce qu'ils connaissaient. Ou Khalid ibn al-Walid. Mais lorsque la lumière de la guidée est venue s'exposer à leur cœur, ils l'ont embrassé. Et ils se sont accrochés à celle-ci. Quant au fait que les hypocrites, dans leur mécréance, sont dans des ténèbres, ils sont dans des ténèbres dans ce bas monde. Et quelle plus grande ténèbre que le fait de voir et de côtoyer la lumière et d'être dépourvu de l'utilité de cette lumière-là. Quant à leur situation dans l'au-delà, Allah Azzawajal fait mention de cela aussi dans Sourate Al-Hadid. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Le jour où les hypocrites et les hypocrites parmi les femmes diront aux croyants, regardez-nous afin que on profite ou on ait utilité de votre lumière. Il leur sera dit, retournez retournez en arrière et recherchez de la lumière. Retournez là où vous étiez, où vous aviez la lumière. Cette lumière-là qu'Allah a illuminée, hein, et vous avez vu tout ce qu'il y a autour, et vous lui avez tourné le dos. Mais ceci ne sera plus possible. Quant à la troisième catégorie de ténèbres, qui est les ténèbres de la perversité ou de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, cela est évident. Mais ces ténèbres-là sont des ténèbres relatives à la quantité de péchés. Ce n'est pas des ténèbres absolues. Plus l'homme pêche, plus les ténèbres augmentent autour de lui. Et plus l'homme se repent, plus la lumière revient, les ténèbres diminuent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne cela, comme cela a été relaté dans le Sahih de l'imam Muslim. Il mentionne le fait que « Anna l'abd, idha aznaba dhanban, nukita fi qalbihi nuktatun sawda » Lorsque le serviteur effectue un péché, commet un péché, hein, sur son cœur il s'inscrit un point noir. Jusqu'à ce qu'une variante de ce hadith-là, Hudhayfa ibn al-Yaman dit « Hatta sara aw yasiru kashama » Jusqu'à ce que le cœur devienne comme « Ashama » c'est la tache noire, une grosse tache noire. Et on emploie « Shama » aussi, on appelle le grain de beauté sur le visage des gens. Hein, « Ashama » Mais ici ce qui est voulu c'est qu'il devienne comme une tache noire. Ce cœur-là, il devient comme une tache noire. Quant au fait que dans le Coran, que la désobéissance d'Allah et le fait de tourner le dos à l'obéissance d'Allah soit une cause de ténèbres, Allah Azza wa Jal te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتِنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Celui qui tourne le dos à notre rappel, il aura une vie dans laquelle il sentira une oppression, un mal-être, hein, une vie de malheur, hein. Puis nous le ressusciterons le jour du jugement aveugle. Il ne voit pas, il est dans des ténèbres. Et il s'empressera de dire, « Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu donc ressuscité aveugle alors que j'étais du nombre des voyants ?» Et il lui sera dit, « C'est ainsi que te venaient, t'étais exposé nos versets, hein, ou nos signes, tu les oubliais, tu leur tournais le dos, tu les oubliais. » Donc ici, ce verset-là, on peut l'employer tant pour celui qui tourne absolument le dos à la religion, tant pour celui qui se détourne du rappel d'Allah Azzawajal et du fait de se repentir lorsqu'il est appelé à se repentir, à revenir à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se plaindra et il lui sera dit, c'est ainsi que nos signes t'étaient exposés, tu les oubliais, aujourd'hui toi aussi tu t'es oublié. Quant au fait que d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses signes, c'est de la perversité, vous avez l'autre verset dans surat al-Hashr où Allah Azzawajal dit وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et Allah les fit oublier leur propre personne, car ceux-là sont certes des pervers. Le fait d'oublier Allah, c'est une perversité. Et le fait d'oublier Allah, est-ce que ça veut dire l'oublier complètement? Non. C'est le fait d'oublier Allah. La première situation dans laquelle tu dois te rappeler d'Allah, c'est quand il est à l'ordre, il faut que tu te rappelles d'Allah pour effectuer l'ordre. Si tu ne te rappelles pas d'Allah, hein, lorsque vient l'ordre, et puis le rappel ne te pousse pas à effectuer l'ordre, anta min al-fasiqi. Fi hadhihi al-hala waqa'ta fi al-fisq. Tu es tombé dans la perversité dans cette situation-là. Tu t'es montré pervers, car tu t'es pas rappelé d'Allah à la venue de l'ordre. Et aussi à la venue de l'interdit. Lorsque l'interdit se présente à toi, il faut que tu te rappelles d'Allah. Et on a mentionné ça dans le cours sur le zikr, vous rappelez, hein? Il faut que tu te rappelles d'Allah afin de délaisser l'interdit. Si tu t'adonnes à l'interdit, ça veut dire nasit Allah azza wa jal. Si tu délaisses pas l'interdit et tu t'accomplis pas l'ordre, ça veut dire que c'est une manière ou une forme parmi les formes d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. D'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une forme de perversité qu'Allah nous en préserve et nous guide. Non. Donc, on voit que les ténèbres sont de combien ? Kam adaduha ? 3. Zulmatul jahli, wa zulmatul kufri, wa zulmatul fisqi. La perversité. Wa yuqabiluha nurul ilmi, wa nurul imani, wa nurul istiqamati. Et ce qui vient en opposé à ces trois ténèbres, on a trois. Tu as toujours deux choses. Allah Azzawajal, il n'a pas fait descendre une maladie, si ce n'est qu'il a fait descendre aussi son remède. La maladie de l'ignorance, le remède c'est quoi? Science. La science. La maladie de la mécréance, son remède c'est quoi? La foi. La maladie de la perversité, son remède c'est l'accrochement à la religion. L'accrochement au fait de faire ce qu'Allah attend de toi et de délaisser ce qu'Allah t'a interdit. Et on trouve ces trois choses-là dans la parole d'Allah Azzawajal. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit ceux qui ont la foi par la parole ferme dans la vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Ici, Allah raffermit, donc c'est un accrochement. Qui? Ceux qu'Allah raffermit par la parole ferme qui est كلمةُ الحق وكلمةُ التوحيد على رؤوسها. C'est la ilaha illallah. Allah les refermit sur la ilaha illallah. Donc, ils ont la ilaha illallah, ils sont fermes sur celle-là. Tu ne peux pas être ferme sur la ilaha illallah si tu es jahil, si tu ne sais pas ce que c'est la ilaha illallah. Donc, tu dois avoir du ilm sur cette parole-là. Et ensuite, Allah Azzawajal t'a raffermi sur cette parole-là par la ferme conviction en celle-là, c'est la foi en ce qu'elle implique. Donc, anta mu'min biha. Tu vois. Et Allah t'a raffermi sur cette parole-là, car il t'a accordé de mettre en pratique ses implications. Hein. Ou bien la parole d'Allah Azzawajal, Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-mala'ika alla takhafu wa la tahzanu al-ayah. Ceux qui disent Allah est notre Seigneur, puis s'accrochent à cela. Les anges descendent sur eux afin de les rassurer. Dans le moment de la mort, comme c'est venu dans le tafsir, ils les rassurent. N'ayez pas peur, hein. Ne soyez pas triste. Hein. On vous fait la belle annonce du paradis, ce pourquoi vous œuvriez. Ici, dans ce verset-là, Inna alladhina qalu, certes ceux qui disent Allah est notre Seigneur. Quand ils disent Allah est notre Seigneur, ça implique quoi? Et ils s'accrochent à cela. Ça implique quoi? Ça implique le savoir. Ils savent ce que ça veut dire Rabbi Allah, et ils savent ce que ça implique parce qu'ils s'accrochent. Donc il faut qu'ils sachent. La science elle a précédé cela. Parce qu'ils disent Inna alladhina qalu, ils disent Rabbuna Allah, ils disent Allah c'est notre Seigneur, ils savent bien. Ils disent pas oui, Allah c'est mon Seigneur ou je crois que c'est mon Seigneur, non. Inna alladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu. C'est ceux qui disent Allah c'est mon Seigneur et ils s'accrochent à ça. Ils s'accrochent, ils s'agrippent. Donc awalan al-ilmu. La première des choses, c'est la science. Ensuite, l'iman. C'est la foi en Allah. قَالُ رَبُّنَ اللَّهِ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْإِسْتِقَامَ الثَّالِثَ إِسْتَقَامُ تَمَسَّكُوا بِهَذَا الطَّرِيقِ. Ils se sont accrochés à cela. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Hein? Donc, aussi, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit aux compagnons, le conseillant, قُلْ رَبِّيَ اللَّهِ ثم استقم. Dis Allah est mon Seigneur, puis accroche-toi à cela. Accroche-toi à cela. Afin de fuir. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais cela afin de fuir les ténèbres de l'ignorance, de la mécréance, de la perversité, par la lumière, de la science, de la foi et de l'accrochement. Et de l'accrochement. Ensuite, la parole d'Allah Azzawajal, وَالَّذِينَ كَفَرُوا. On a vu quoi jusqu'à présent? Allah, وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِلَى هُنَا خَلَاص. On a vu, Allah est l'allié de ceux qui ont la foi, il les sort des ténèbres pour les orienter vers la lumière. On a vu jusque là. Ça c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant on passe à autre chose. On passe à l'autre phrase, qui est l'autre, la deuxième partie opposée à cela. Quant à ceux qui mécroient, leur allié, c'est le tarout. Ah, ils les font sortir de la lumière pour les orienter vers les ténèbres. Ah, on est dans cette partie-là. Donc, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ. Ah, si on étudie la construction de cette phrase-là, il y a quelque chose qui n'est pas pareil à la construction de la première phrase. La première phrase, elle commence comme ça. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Et ici, la phrase, elle commence, elle dit... Quant à ceux qui ont mécru, leur allié c'est le Tahout. On a allié au mieux, mais hein, on a la construction de la phrase, ce n'est pas pareil. Pour qu'elle soit pareille à la première, il aurait fallu qu'on dise les Tahout sont les alliés de ceux qui mécroient. Comme la première. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas pareille? On voit que le Coran, subhanallah, chaque chose est étudiée. Le Coran, tu peux le reprendre nulle part. Même pas dans une lettre, tu peux le reprendre, le Coran. Le Coran, il est irréprochable, il est parfait. Ils ont étudié la Torah actuelle et ils trouvent des erreurs, et ils ont trouvé. L'Évangile, ils trouvent et ils ont trouvé. Le Coran, il n'y a pas d'erreur. Ni dans la langue, ni dans Al-Balara, ni dans même pas dans les nombres des mots, des fois, subhanallah. Même le nombre de mots, subhanallah. Pourtant, à la base, nous, on ne va pas commencer à s'occuper de ça. Mais si des gens ont étudié cela et ils ont vu qu'il y a... Mais ça ne veut pas dire que maintenant... ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'on trouve chaque fois un nombre concordant. Hein. C'est des personnes, des fois, ils exagèrent. Mais même dans le nombre de mots ou le nombre de il est concordant. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala parle du juste milieu au milieu de Surat al-Baqarah. Surat al-Kahf. Passons sur Surat al-Kahf. Tu viens sur Surat al-Kahf, quand Allah azza wa jalla te parle du récit des jeunes qui ont résidé dans la caverne, il commence par l'abithou. Hein, lorsqu'il te dit l'abithou, la première fois il te parle du fait de résider là-dedans, c'est l'abithou. Il y a trois l'abithou. Ils ont résidé, il est trois fois. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne au départ le fait qu'ils ont résidé, depuis là, si tu comptes les mots, mot à mot, ils ont compté mot à mot les mots qui viennent depuis là, hein, et les lettres, les huruf, elles rentrent là-dedans. Mot à mot, quand ils sont arrivés au deuxième, quand ils sont arrivés en fait, quand ils sont arrivés à 300, quand ils sont arrivés sur قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا sur le 309, ils sont arrivés à 309 en fait. Quand Allah Azzawajal dit 309, ils sont arrivés à 309 mots, subhanallah. Sur le 309, ils sont arrivés. C'est des choses, c'est pas possible qu'un homme, en fait, ça, c'est des choses, nous, on n'a pas besoin de ça pour avoir la foi en soi. Alhamdulillah, ce qu'on trouve dans le Coran, ça nous suffit, et dans le tafsir. Mais c'est des choses qui augmentent la conviction, et puis, c'est des bonnes réponses à ceux qui n'ont pas foi encore au Coran. C'est des réponses à ceux qui n'ont pas foi. C'est des choses logiques. Ils prétendent être des scientifiques. Et ici, ils voient que c'est pas... Même des ordinateurs les plus précis qu'on a aujourd'hui, tu peux pas, en fait, faire un calcul comme ça. Faire un texte, rédiger un texte de je sais pas combien, et puis qui te calcule au mot à mot comme ça. Faudrait que déjà l'intelligence de l'homme pour le programmer, en fait, pour qu'il fasse ça. Donc, subhanallah, le Coran en soi, alhamdoulilah, il est parfait. Et ici... Précisément dans ce verset-là, on voit en fait, on a parlé de al-munasaba, munasabat al-aya bil-aya, wa awalu al-aya bi-akhiriha, le caractère adéquat des mots et des phrases les unes avec les autres et des versets les uns avec les autres, clairement là aussi il est apparent. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit Allahu aliyu al-ladina, il dit Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Et lorsqu'il parle des mécréants, il dit quant à ceux qui ont mécru. Leurs alliés sont le Tahout. Le fait qu'Allah Azzawajal ait commencé par son alliance lorsqu'il parle des croyants, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah mentionne trois points. Il dit la première, c'est Al-Istibsha. C'est parce que Allah, lorsque les croyants entendent Allah, Istabshirun, ils sont heureux. Ça les motive. Ça les motive en bien. Donc, le fait de commencer par le nom d'Allah Azzawajal, c'est une motivation pour le croyant. Hein? Et Allah Azza wa Jal, ceci n'est pas loin de la parole d'Allah. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Ah, ils sont ceux, les croyants, les vrais croyants sont ceux dont, lorsque Allah est mentionné, ceci ne fait ceci fait frémir, leur cœur frémisse. Et lorsque ces versets leur sont lus, ceci ne fait qu'augmenter leur foi. Donc le croyant, lorsqu'il entend Allah, il entend parler d'Allah, ou bien il entend parler des versets d'Allah, son cœur frémit. Et ça fait qu'augmenter en fait sa conviction et sa motivation. Donc il devient, ça augmente son optimisme, hein, et son espoir en Allah Azza wa Jal. Ensuite, le deuxième sens, c'est at-tabarruk bi taqdimi ismillah Azza wa Jal. C'est le fait de chercher bénédiction en mentionnant le nom d'Allah, en fait, avant le reste. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ijtami'u ala ta'amikum wa dhkuru isma Allahi alayhi yubarik lakum fima ataakum. Rassemblez-vous autour de votre nourriture et mentionnez le nom d'Allah, il vous bénira en ce qu'il a accordé. C'est pour ça que l'être humain, lorsqu'il mange, il dit Bismillah. Lorsqu'il commence, il entreprend une entreprise, il dit Bismillah, ainsi de suite. Mutabarrikan Bismillahi Azza wa Jal al-A'zam. En cherchant la bénédiction par la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième point, c'est le fait de mentionner que la faveur de la guidée, elle vient d'Allah. Donc Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa hadhi minnatullah yamunnuna alayka an aslamu ha qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Ils font mention du fait qu'ils se soient convertis, qu'ils aient adhéré à l'islam. Dit, ne faites pas mention de cela, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous rappelle cette faveur qu'il vous a accordée. Donc la guidée, c'est la faveur d'Allah. C'est pour ça que la première phrase, elle nous parle de la guidée. Et c'est qui guide? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu es bien guidé, ne crois pas que c'est par ta perspicacité ou ton intelligence ou tes amis ou ta tribu, hein? Mais tu es guidé ou bien parce que tu es né musulman ou arabe ou X ou Y. Tu es guidé parce qu'Allah a voulu te guider. Donc il faut que tu te montres modeste et que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu waliyu alladhina amanu. Donc, et quant au fait, dans la deuxième phrase, quant au fait que le tagout soit mentionné, quant au fait que le tagout ne soit pas mentionné au début de la deuxième phrase, on ne dit pas les tagouts sont les alliés de ceux qui ont la mécréance. En premier lieu, c'est qu'on ne veut pas mettre le tagout au même stade qu'Allah. Donc ici, c'est pour montrer qu'il y a une distance. Allah azza wa jal, le tagout, c'est une chose qui est basse. Elle est adorée en dehors d'Allah, elle n'a aucun droit. Donc elle ne vient pas au même rang qu'Allah. Même dans la chronologie de la phrase. Hein. Et la deuxième sagesse, c'est le fait que le tagout, c'est une chose qui est vile. Donc elle n'a pas à être mentionnée au début. On ne commence pas par les choses viles. Hein. On les laisse à la fin, on les mentionne à la fin, car c'est vile. C'est leur place. Et le troisième des points, c'est que, ici, c'est dans la balara, elle dit, c'est le fait de commencer par alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Ah, il dit, asra ila dhammihim mimma law ta'akhara dhikru. C'est plus prompt à leur faire, c'est plus expressif dans le fait de leur faire une reproche pour la mécréance à laquelle ils ont adhéré. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, en fait, je vous explique encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala est l'allié de ceux qui croient. Donc ici, quand tu dis Allah, c'est l'allié de ceux qui croient, il les sort des ténèbres pour les guider à la lumière. Ça veut dire la guider, elle vient de qui? D'Allah. Hein? Alhamdulillah. Ensuite, ceux qui ont mécru, leur allié est le tagout. C'est comme si ce verset-là, il se dirige vers eux et tu fais une reproche à quelqu'un. Tu ne lui dis pas, c'est lui qui t'a égaré. Tu dis d'abord que c'est toi qui t'es égaré et tu l'as suivi. Walladhina kafaru. Quant à ceux qui ont mécru, ils ont adhéré à cela, leurs alliés sont le tagout. Et c'est lui qui les a sortis des ténèbres de la lumière pour les guider vers les ténèbres. C'est les fortes expressions du Coran. C'est les fortes expressions du Coran. Ensuite, ici, ceux qui ont mécru, walladhina kafaru, kafaru bikulli ma yajibu al-imanu bih. Ils ont mécru en toute chose dont il faut avoir foi. Donc ça veut dire il se peut qu'ils aient mécru en Allah, il se peut qu'ils aient mécru dans les prophètes, il se peut qu'ils aient mécru dans le qadar, il se peut qu'ils aient mécru dans l'yawm al-akhir, dans l'au-delà, et ainsi de suite. Ces gens-là, leurs alliés sont les taghouts, awliya'uhum. Et ici, Allah Azzawajal a mentionné les alliés au pluriel. Tandis qu'Allah Azzawajal, l'allié des croyants, il est unique, singulier. Allah, waliyu, un. Walladina kafaru, ceux qui ont mécru, leurs alliés. Ici, c'est plusieurs, ils sont au pluriel. Hein? Leurs alliés sont les taghouts, et on a expliqué le mot taghout précédemment, on ne va pas y revenir. Donc ici, pourquoi? Parce que les voies de l'égarement et les égareurs, ils sont au pluriel, tandis que la voie de la guidée, celui qui guide, il est seul, unique et sans associé. La guidée, elle est dans les mains d'Allah. Elle n'était même pas dans les mains du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, ou Muhammad, qui tu désires. Mais c'est certes Allah qui guide celui qu'il veut guider. Et ici, le sens de cela est comparable à la parole d'Allah. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي وَاحِدْ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Voici ma voie, hein, et elle est droite, ma voie, une. Hein. Suivez-la donc, ne suivez pas les sentiers, car ils vous égareront de ma voie. La voie d'Allah, elle est une, les sentiers, ils sont de l'égarement, ils sont plusieurs. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. Guide-nous sur le droit chemin. وَاحِدْ مُفْرَدْ مُعَرَّ مُبَيَّنْ ظَاهِرْ. Il est unique, seul, évident, clair. Hein? Donc, tandis que les voies de l'égarement, elles sont plusieurs. Et on vous a souvent mentionné ce hadith-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dessiné « Khatta al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khatta al-mustaqim » a dessiné un droit, un trait droit long comme ça. Et ensuite, il a fait des traits à sa droite et à sa gauche. Il a dit « Hada sabilullah » Hein? Il a dit « Ça, c'est la voie d'Allah. » Et ça, c'est les souboul. « Wa ala kulli sabilin shaytan yad'u ilayh » Et vers chacun de ces sentiers, il y a un démon qui est assis à côté du droit chemin et il appelle. Il dit, viens, c'est par là. Viens. Yad'u ilayh. Et ensuite, il a lu la parole d'Allah. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Il aura lu cette parole, la parole d'Allah. Voici mon chemin, il est droit. Suivez-le donc, ne suivez pas les sentiers, ils vous égareront de ma voix, qui est unique seule. Ah, une seule voix. Donc, on comprend par cela aussi certaines personnes qui s'obstinent en fait à refuser le fait que les musulmans, en fait, le fait qu'on dise que les musulmans, il y a plusieurs voies aujourd'hui dans l'islam et qu'en fait, il n'y en a réellement qu'une. Ça ne veut pas dire, on ne parle pas de gens, on ne juge pas les gens ici. Il se peut qu'une personne, elle emprunte la bonne voie mais qu'il ne soit pas sincère et qu'il n'aille pas au paradis. Mais on juge les voies. Les voies en tant que voies sur... Les diverses fractions qu'on a en islam, il y en a une qui est juste. Elles ne peuvent pas être toutes justes, parce qu'elles sont différentes. Maintenant, on ne parle pas de fiqh. Dans la jurisprudence, alhamdoulilah, hein, comme le disent les savants, « Man abadallah bi madhabi abi hanifa dakhal al jannah, wa man ya'budallah bi madhabi malik yadkhul al jannah, wa man ya'budallah bi madhabi shafi'i yadkhul al jannah, wa man ya'budallah bi madhabi ahmad yadkhul al jannah. » Ici, de madhahib fiqhiyya, il s'agit de voix dans la jurisprudence. Dans la jurisprudence, ça ne veut pas dire que tu es hanafi, que tu es meilleur qu'un shafi'i, ou que tu es shafi'i, que tu es meilleur qu'un hanbali, ou que tu es hanbali, que tu es meilleur qu'un... Vous êtes tous frères. Mais c'est juste, en fait, des voix qui vous ont été facilitées pour comprendre les masa'il dans le fiqh, les questions qui sont posées au fiqh, ainsi que leurs dala'il, leurs arguments. Ainsi que les réponses des imams. S'ils ont des arguments, celui qui a les arguments les plus forts, c'est celui qui a raison. Mais ils restent tous frères et ils restent tous, Inch'Allah, sur une bonne voie. Mais il s'agit ici de madhahib dans la croyance. Dans la croyance qu'on a des voies différentes, on ne peut pas dire que le prophète Sassem croyait ça et ça et ça et que tout est juste. Non. Ou bien dans la méthodologie, dans la manière de traiter les choses, dans la manière de traiter la prêche. Hein, sur quoi est-ce qu'on établit la prêche? Par quoi est-ce qu'on commence? Quels sont les moyens? Ou bien dans la manière de chercher à regrouper les musulmans? Ou bien dans la manière de, je ne sais pas, de faire un état, ou X ou Y, dans la vision de l'islam? Comment est-ce que ces choses-là, ils ne sont pas tous pareils et ils n'ont pas tous juste. Il n'y a qu'une seule voie, celle qui est conforme à ce sur quoi était le professeur Hassan et les compagnons, c'est cette voie-là qui est juste. On ne parle pas de partisans, on parle de voie. On ne parle pas de partisans, on parle de voix. Donc, Inch'Allah, ça ne sert à rien de s'entêter et de dire, ouais, ceux qui disent cela, c'est des gens qui veulent séparer les musulmans. Allah est le meilleur des témoins que si on voulait séparer les musulmans, on ne viendrait pas leur enseigner ce sur quoi ils doivent s'unir. Moi, je ne suis pas venu ici appeler à un imam, hein, ou appeler à un groupe. Moi, je suis venu ici appeler au livre d'Allah, je veux dire à la sunna du prophète Sassa. Celui qui voit en ce que je dis, que j'ai contredit le Coran et la sunna sur la compréhension des premiers musulmans, ahlan wa sahla. Qu'ils viennent me voir, la porte elle est ouverte, et qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais en dehors de ça, on n'appelle pas les musulmans à se séparer, on appelle les musulmans à s'unir sur ça. Et on demande à Allah Azzawajal qu'il nous guide. On ne détient pas la guidée des musulmans, on ne détient même pas notre propre guidée, même si on est responsable de la voie qu'on emprunte. Et Allah Azzawajal est juste et il n'égare pas les gens injustement. À la kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala, sa voix est unique. Et les prétendants au titre, le fait de prétendre au titre, c'est facile. Voyons plutôt sur ce sur quoi nous sommes. Voyons plutôt sur ce sur quoi nous sommes réellement. Et est-ce que le Coran et la Sunna sont venus confirmer la voie à laquelle, la voie sur laquelle nous sommes et à laquelle nous appelons? Si le Coran et la Sunna viennent confirmer cela, Inch'Allah, on espère le bien. Il reste le grand point d'interrogation sur le plus grand des combats, qui est l'intention, la niya. Hein? Non. Il reste le grand point d'interrogation sur la niya, qu'Allah Azzawajal nous guide et nous facilite de combattre nos âmes et nous oriente et nous accorde un tawfiq min indihi tabarak wa ta'ala, qui nous accorde une réussite de sa part et nous guide et nous préserve des méfaits de nos âmes. Quant à ce point-là, j'aimerais revenir juste sur une petite parenthèse par rapport à la voix d'Allah. Moi, je viens de vous dire que la voix d'Allah est unique. Quelqu'un d'autre peut venir peut dire c'est faux ce qu'il t'a dit cet imam. Car Allah Azzawajal dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. À la fin de Sourate Al-Ankabut, il dit quant à ceux qui luttent en nous, c'est-à-dire pour nous, en espérant le visage d'Allah, nous les guiderons dans nos sentiers. As-Subul. Et vient et te dit, cet imam t'a dit, c'est faux, regarde. Yassi, celui-là a raison, tel groupe a raison, ils sont tous sur des souboules. Hein? Ils ont tous raison, chacun d'entre eux a raison. Quelle est la réponse? Quelle est la réponse à cette question? Vous avez déjà cité ça. J'ai déjà cité, oui. C'est-à-dire que toutes les voies, en fait, c'est Allah, quelles que soient les voies dans lesquelles ils sont, il va les orienter vers lui. Ouais. C'est-à-dire que si ces gens-là sont sincères, et ils recherchent la vérité. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا. Ceux qui luttent en nous, c'est-à-dire ils recherchent notre agrément. Ils ne suivent pas ses passions. Hein? Ils cherchent l'agrément d'Allah. Ils cherchent. Et comment est-ce que tu peux chercher l'agrément d'Allah si ce n'est qu'en suivant ce qu'Allah agrée? Ceux qui cherchent l'agrément d'Allah, Allah les orientera toujours. Ça, c'est la réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux croyants face aux attaques des démons. Et face aux attaques des démons parmi les djinns et les hommes qui, sur le sentier d'Allah, appellent à ses souboules. On a mentionné, voici mon chemin, il est droit. Faites tabion, ne suivez pas les souboules, les sentiers. Ça veut dire, sur le chemin d'Allah, il y a des voies d'égarement qui vont s'exposer à toi. Pas vrai? Non. Chaque fois qu'une voie d'égarement elle va s'exposer à toi, Allah Azzawajal, si tu cherches son agrément, il va te donner une solution pour revenir ou ne pas sortir afin de rester sur la voie. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le deuxième verset. C'est une réponse en fait à ce danger qui s'expose à toi, qui sont les souboules de l'égarement, les voies de l'égarement. Si les voies de l'égarement elles s'exposent à toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des solutions. On a dit, il n'y a pas une maladie qui soit, si ce n'est qu'Allah Azzawajal a fait descendre son remède. Mais la condition c'est quoi? C'est que tu cherches l'agrément d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire chaque fois. Et ne te dis pas. Donc c'est aussi un verset qui donne l'espoir à celui qui s'est égaré. Il s'est égaré dans une voie, qu'il sache que s'il cherche l'agrément d'Allah, Allah lui donnera toujours une issue pour revenir vers sa voie qui est seule, unique, Salatullah et Azzawajal al-Mustaqim, sur le droit chemin. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et subhanallah, tu vois souvent Allah Azzawajal dans le Coran, il répond en fait il t'expose en fait des problèmes, hein, que tu as. Et il te donne la solution tout de suite dans le même verset à cela ou bien ailleurs dans le Coran. Comme dans la parole d'Allah dans sourate Al-Baqarah, où il dit Ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Le démon vous fait craindre la pauvreté et il vous ordonne la turpitude. Al-muqabal wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Et Allah vous promet un pardon de sa part ainsi qu'une énorme faveur. Yuqabal. Il mentionne en opposé à cela les solutions. T'as le problème qui est là, c'est quoi? C'est que le démon, toi, t'es faible. Il te fait craindre la pauvreté. Wa dhukira al-faqr laysa hasr ala al-hasr. Le fait que la pauvreté a été mentionnée, elle n'a pas été mentionnée d'une manière restrictive. Elle a été mentionnée car c'est la chose que l'homme craint le plus en général, c'est le fait de ne pas avoir assez. Et c'est la chose que l'homme aime le plus en général, c'est l'argent. Et c'est par là que le démon rentre, pour l'égarer, pour le conduire vers la turpitude. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'expose quoi? Il t'expose son pardon ainsi que d'énormes faveurs. Ça veut dire quoi? Toi, le serviteur, qui peut-être s'est laissé tromper par la crainte de la pauvreté et tu es tombé dans la turpitude, sache qu'Allah te prépare un pardon. Demande pardon, Allah te pardonne. Allah te pardonne. Allah est prêt à te pardonner. Il te promet un pardon si tu demandes pardon. Et il te promet d'énormes faveurs. C'est-à-dire que ce que tu as fait dans le passé, Allah te l'efface. Ce que tu as acquis comme argent dans le haram, khalas, c'est fini. Les compteurs sont mis à zéro. Et qu'Allah Azzawajal te promet d'énormes faveurs, c'est que au lieu de gagner ta subsistance par le haram, tu la gagneras par le halal. Car de toute façon, tu ne recevras pas plus que ce qui t'a été destiné. Et le fait que tu te trouves auprès d'Allah, وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى, ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et d'une plus longue durée. Donc tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala te donne toujours des solutions. Et ici, pareil. La voie, elle est droite, mais il y a plein de sentiers qui s'exposent à toi. Bah, chaque sentier, si tu espères toujours, chaque épreuve qui te vient dans la religion, tu as des doutes dans la religion, si tu espères l'agrément d'Allah, tu cherches l'agrément d'Allah, tu suis les arguments, alhamdoulilah, Allah Azzawajal te trouvera toujours une solution pour revenir et rester accroché sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ici, il y a un autre problème, un autre point qui peut poser problème à la compréhension des gens dans ce verset-là, c'est que ceux qui ont mécru leurs alliés sont les tarouts. Les tarouts les font sortir de la lumière pour les conduire vers les ténèbres. Ici, ce verset-là, il pose problème aux gens, des fois. Pourquoi? Parce que il se peut que la personne se dise, mais comment Allah Azzawajal nous parle des croyants et nous dit que les croyants, ils étaient dans les ténèbres et Allah les a guidés vers la lumière. Tandis que le mécréant, il était dans la lumière et Allah... Et le tarout l'a conduit dans les ténèbres. Alors si ce mécréant-là, on veut parler d'une personne qui était musulmane, puis tout d'un coup il a laissé l'islam, qu'Allah nous préserve, il est clair le verset, on le comprend. Mais si ce verset-là, il veut parler d'un homme qui n'a jamais été musulman, comment est-ce qu'il était dans la lumière et il est venu dans les ténèbres? La fitra, c'est ça. C'est ce qu'on a mentionné au départ. C'est que « huwa asluhu al-fitra ». Allah Azzawajal يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Et tourne ton visage vers la religion en étant purement monothéiste. Voici la nature saine sur laquelle Allah a créé les gens. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Donc la base chez l'être humain, c'est qu'il est monothéiste. La base chez l'homme, c'est qu'il est monothéiste. Mais il est sorti de cette base-là pour se diriger vers les ténèbres de la mécréance. Donc, ça, c'est la réponse, en fait, à cette question. Aussi, dans le fait de mentionner les ténèbres, quand il s'agit du croyant et qui est revenu vers la guidée avant la lumière, il y a le fait de redonner la faveur de la guidée à Allah. Wallahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres pour les guider vers la lumière. Donc c'est qui les a amenés à la lumière? C'est Allah. Donc c'est le fait de redonner sont dus à qui de droit? Le droit de la guider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette faveur-là, elle revient à Allah. Tandis que ici, dans l'égarement du mécréant, c'est le fait de montrer que la personne, elle s'est égarée parce qu'elle n'a pas suivi en fait les chances qu'Allah lui a données dans la guider. Donc c'est le fait de ramener le reproche de l'égarement à celui qui a suivi la voie de l'égarement. La voie de l'égarement. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun » Ils sont certes les habitants du feu et ils y demeureront éternellement. Et ici, ce qui est voulu par cela, c'est ceux qui n'ont pas la foi. Donc, ceux qui n'ont pas la foi, qui ont renié la foi, ils sont les habitants du feu et ils y demeureront éternellement. Ashab jam'u sahib. Wa sahib huwa al-mulazim li shay. C'est celui qui côtoie une chose constamment, le sahib. Donc, c'est ceux qui vont côtoyer l'enfer constamment. D'une manière, c'est-à-dire, la yufariqu. Ashab la yufariqu. C'est un partisan de cela où il fait partie de ceux qui sont reconnus, connus par cela. Sahibu ilm, un homme de science. Ashabun nar, les gens du feu. C'est-à-dire le feu, ils ne se sépareront jamais du feu. Et à la confirmation, hum fiha khalidun, ils y demeureront éternellement. Et le mot sahib, ça veut dire que c'est un côtoiement continu. C'est-à-dire côtoyer constamment une chose, t'es sahibu. Si ce n'est pourquoi, si ce n'est pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ashabu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, le mot sahib a été employé ici pour témoigner qu'une personne a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, même si c'est un petit instant, a eu foi en lui et il est mort musulman. Et il est mort musulman. Donc même s'il ne l'a pas côtoyé toute la vie, ou il n'était pas tout le temps avec lui, il s'appelle sahibu rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on tire du verset, les bénéfices qu'on tire du verset. Le premier, c'est le bénéfice de la foi et que par le biais de la foi, l'homme atteint l'alliance d'Allah. Il peut être allié d'Allah que par le biais de sa foi. Et l'argument, Allahu aliyu alladhina amanu, Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Le deuxième, c'est le fait de confirmer l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'alliance d'Allah ici est de deux catégories. Une qu'on appelle alliance, en français on va dire alliance, et en arabe c'est wilayatun khassa, et une qu'on va appeler responsabilité, ou le fait, du fait qu'Allah azawajal est gérant et responsable de toute la création, et elle est wilayatun amma, une responsabilité générale qui concerne toutes les créatures. Quant au fait que les non-musulmans sont sous la wilaya d'Allah, sous la responsabilité d'Allah, la parole d'Allah, وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ et مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ et qu'ils reviennent donc, ils seront ramenés vers Allah, leur vrai maître. Donc ils ont renié ce maître-là, ils n'ont pas voulu que ce soit leur allié, et ils l'ont renié, ils se sont dirigés vers autre que lui, aujourd'hui ils sont ramenés vers Allah, celui qui était leur vrai maître, celui qui administrait leurs affaires, celui qui leur a donné la vie, et celui vers qui ils reviennent aujourd'hui. وَضَلْ عَنْهُمْ مَكَانُوا يَفْتَرُونَ Et voici que s'égarent d'eux, ou s'éloignent d'eux, ceux qu'ils inventaient au sujet d'Allah, le fait qu'ils lui donnent des associés. Quant à la deuxième wilaya, al-wilaya al-khasa, qui est l'alliance, qui est la responsabilité restreinte, où Allah est responsable des croyants et seulement des croyants dans cet angle de vue-là, on appelle ça l'alliance. Allah est l'allié des croyants. Comme dans la parole d'Allah, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Ceci car Allah est l'allié de ceux qui ont la foi, quant aux négateurs, ils n'ont aujourd'hui, ou ils n'ont pas d'allié. Ils n'ont pas d'allié. Ou bien, le verset que vous venez d'étudier, اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Quant à ces deux alliances, qu'est-ce qu'elles impliquent? L'alliance, ou ces deux responsabilités, qu'est-ce qu'elles impliquent? La responsabilité d'ordre général, elle implique le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala domine parfaitement ses créatures, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala administre et gère toute sa création. Donc, Allah est le dominant et le gérant de toutes les créatures, musulmans ou pas. Quant à la wilaya al-khasa, l'implication de cette alliance-là, ou de cette responsabilité qu'on appellera alliance, c'est Ra'fat wa Rahma wa Tawfiq. C'est la compatissance, la miséricorde ainsi que le succès. Allah Azza wa Jalla est compatissant vis-à-vis des croyants et il est miséricordieux et il leur accorde le succès afin de, qu'ils restent sur cette voie jusqu'au jour où ils le rencontrent. Parmi les fruits, on tire aussi de ce verset-là que parmi les fruits que l'homme tire de la foi, c'est la guidée qu'Allah Azza wa Jalla donne aux croyants. Plus tu as la foi, plus Allah te guide. Plus tu t'éloignes de la foi et plus tu t'égares. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu wali alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres pour les guider à la lumière. Ou bien la parole d'Allah azza wa jalla yahdihim rabbuhum bi imanihim. Leur Seigneur les guida par le biais d'une foi qu'ils avaient en lui. Ou bien la parole d'Allah azza wa jalla innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Ils étaient des jeunes qui avaient la foi en leur Seigneur, nous avons donc accru leur guidée. La guidée, elle vient par le biais de la foi. Plus tu apprends la foi et plus tu la mets en pratique, plus Allah Azza wa Jalla va te guider. C'est pour ça que la meilleure des choses que l'homme puisse étudier et apprendre, c'est la foi en Allah, donc le tawhid. La meilleure des choses par laquelle l'homme recherche la guidée, c'est l'ilmu tawhid. An yata'allam al-abdu al-tawhid. C'est le fait que le serviteur apprenne le tawhid. Et al-tawhid, c'est le meilleur dhikr, c'est le meilleur rappel. Hein, c'est le meilleur rappel qu'on puisse faire aux gens, c'est le rappel sur le tawhid. Et le fait de rappeler les gens au tawhid constamment, ça c'est le manhaj de l'anbiya. C'est la méthodologie des prophètes. Les prophètes, ils ne parlaient pas de politique aux gens, et ils ne parlaient pas de parti, et ils ne parlaient pas d'argent et de business. Ils leur parlaient de tawhid. Ils leur parlaient de tawhid. Et c'est le rappel qu'Allah Azza wa Jalla demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire à sa communauté. À sa communauté. « Wadhakir fa inna dhikra » تَنْفَعُوا الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Et rappelle car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Parmi les fruits qu'on tire aussi ce verset-là, c'est le fait que les négateurs, leurs alliés sont les tawarites. Sont les tawarites. Qui est tawarite, c'est le pluriel de tawarite. Et que ce soit des taroutes qui sont obéis, adorés ou suivis en dehors d'Allah, ça c'est les alliés, Allah les confie en fait à ceux vers qui ils se sont dirigés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire aussi de ce verset là le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est distant de ceux qui renient la foi. Il est distant. Bara'atullah azza wa jal min alladhina kafaru. Le fait qu'Allah est distant de ceux-là. Et cela on le tire par le biais d'une compréhension évidente et par le biais d'une compréhension logique. Quant à la compréhension évidente, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla dise Allahu waliyul ladina aman. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Ça veut dire il est l'allié de ceux-ci et autres que Allah n'est pas leur allié. Un. La deuxième compréhension, c'est par la logique en fait. Ici, dans la parole Walladina kafaru awliyahum at-taghut, ceux qui ont renié leur allié et le tarout, sont les tarouts. Donc, il a mentionné cela à l'opposé de Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Donc, par cela, on comprend qu'Allah se distance, bara'atullah azza wa jal, se désavoue deux fois de ceux qui le renient ici dans ce verset. Deux fois. Une fois en confirmant que les seuls alliés d'Allah sont ceux qui ont la foi, et la deuxième en confirmant que ceux qui ont renié la foi, ils ont choisi le tarout comme allié. Parmi les bénéfices aussi qu'on tire de ce verset-là, c'est les mauvais fruits qui sont tirés de la mécréance. Et que la mécréance conduit à l'égarement. Le fait de renier Allah, ou de renier ce qui est impliqué par la foi en Allah, ceci te conduit à l'égarement, aux ténèbres, à la mécréance. La parole d'Allah Azza wa Jalla, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, il les fait sortir de... il les fait sortir de la lumière pour les guider vers les ténèbres qui ceux qui n'ont pas la foi ou qui renient la foi en Allah ils quittent la lumière pour se diriger vers les ténèbres, vers l'égarement. Donc on voit que c'est le mauvais fruit qui est tiré de la mécréance. Ensuite, parmi les bénéfices qu'on tire aussi de ce verset, c'est que la foi en fait vient à la mécréance en fait s'oppose à la foi. on trouve la foi et la mécréance, c'est deux camps. Et qu'à la base, hein, on dira qu'ils ne se mêlent pas. Hein. Allah wali ul-ladina amanu et wal-ladina kafaru awliya ou mutahud. C'est deux voies différentes. Il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas d'entre deux. Mais j'aimerais faire mention en fait d'un point que soulève le Cheikh Ibn Uthaymeen en vous lisant directement comme ça. C'est un point en fait où il y a une subtilité. Et puis comme ça, je vous lis et je vous traduis directement s'il est important de comprendre ce point-là afin de se distancer de la croyance d'un groupe parmi les groupes en islam qui sont sortis de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne la foi, qui sont les khawarij. Et le cheikh fait mention de ce point-là. Est-ce qu'en islam, il dit « ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه أي لا يجتمع كفر وإيمان أبدا » Est-ce que ce qu'on comprend de ce qui vient d'être mentionné, c'est le fait que la foi et la mécréance, elles ne se rassemblent jamais. Est-ce que c'est ce qu'on comprend ? C'est ce qu'on comprend, c'est que jamais on peut rassembler la foi et la mécréance. Al-Jawab, yaqul rahimahullah, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, annahu qad yajtami' ma'ahu 'ala al-qawl ar-rajih alladhi huwa madhhab ahli sunnah. C'est que il se peut que la foi et la mécréance se rassemblent des fois chez une personne qui est la parole la plus juste et qui est le madhhab des gens de la sunna du Cheikh Ibn Uthaymeen. لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Le fait d'insulter le musulman est un acte de perversité. Le fait de le combattre, c'est un acte de mécréance. Donc ici, il nous parle de quoi ? De mécréance. Retenez bien ça. Donc le fait de combattre le musulman, c'est un acte de mécréance. D'accord ? وهذا الكفر لا يرفع الإيمان. Et ce كفر là, qui est كفر, on peut pas dire que c'est pas du كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يرفع الإيمان. Mais cet acte de mécréance, c'est grave, c'est très grave. Hein? Il est menacé par l'enfer, celui qui combat un musulman. Hein? D'ailleurs, celui qui tue un innocent aussi, même s'il n'est pas musulman, je veux juste préciser, pas que les gens sortent d'ici et puis se disent qu'il nous dit qu'on peut tuer les non-musulmans. Allah nous guide et nous préserve, nous allons dans sa voie. Hein? On vit dans une époque où mieux vaut trop préciser que pas assez. Hein? Et même si on précise trop, ça a tendance à être mal interprété, car on vit dans une époque aussi où il y a beaucoup de malhonnêteté. Qu'Allah nous guide. Non. Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le fait de tuer un musulman, c'est un acte de mécréance. Ok. Et le cheikh dit, وَهَذَا الْكُفْرُ لَا يَرْفَعَ الْإِيمَانِ. Et cet acte de mécréance qui a été mentionné par Rasulullah, comme acte de mécréance, il ne chasse pas la foi tout de suite. C'est-à-dire, c'est pas l'homme il a accompli ça, il n'est pas devenu kafir en fait. Pourquoi ? وَهَذَا الْكُفْرُ لَا يَرْفَعَ الْإِيمَانِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Et ceci conformément à la parole d'Allah. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et si deux groupes parmi les... Subhanallah, شوف الاستدلال. رحمه الله رحمة واسعة. فقير والله. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Regardez ce que les savants de la sunna, c'est vraiment les héritiers. وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا. Ils t'expliquent les choses. Il n'y a plus de place, ni pour parler, ni pour le jidal, ni pour dire, ah non, j'ai pas compris. Alhamdulillah. L'argument, il est élevé, tu vois. Il dit وهذا لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. Et si deux groupes parmi les croyants se combattent, s'entretuent, essayez d'établir la concorde entre eux. إلى قوله تعالى jusqu'à la parole d'Allah إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Certes, les croyants sont des frères, établissez donc la concorde entre eux, frères. فأثبت الأخوة الإيمانية مع الاقتتال الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر. الله عز وجل a confirmé la fraternité de foi entre ces gens-là malgré le fait qu'ils se soient entretués alors que cet acte-là, le prophète nous a dit que c'est de la mécréance. وانظر إلى الإنسان. Et regarde, analyse la situation de l'homme. يكون فيه كذب وهو خصال المنافقين ويكون فيه حسد وهو خصال اليهود. ويكون فيه صدق وهو خصال المؤمنين ويكون فيه إيثار وهو من صفات المؤمنين أيضا. Ne vois-tu pas? Médite donc sur la situation de l'homme. Il se peut qu'il ait la caractéristique du mensonge, qu'il monte. Et ceci est une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites. Ça veut dire qu'un croyant, il a menti une fois, tu lui dis, ça c'est un munafiq. يكذب له صفة أي ما تقرأ الحديث أنت. Est-ce que tu vas dire c'est un hypocrite, il a menti, tu lis pas le hadith, hein? Non, il a une caractéristique, hein? Tu le conseilles, tu dis أخي c'est faux, c'est. Tu veux dire tu حكم عليه يعني لا والله أنا عندي دليل, j'ai un دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymeen te dit, il se peut que l'homme ait en lui du hasad, qu'il soit jaloux ou envieux. Et ceci est un caractéristique parmi les caractéristiques des juifs. Hein? Le prophète Sassem dit, les juifs ne vous ont pas jalousé sur une chose comme ils vous ont jalousé sur salam wa ta'min, sur la salutation entre vous et le fait de dire amin derrière l'imam. Donc ça veut dire qu'ils sont jaloux. Est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est jaloux, c'est un yahoudi, la'natullah, hein? Allah yal'anhu, hein? C'est-à-dire qu'il veut... Non, c'est une erreur. Ou bien il dit, il se peut que l'homme, hein, dans l'autre sens en opposé, soit véridique. Et ceci est un caractéristique des croyants. Et ça, c'est en opposé maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'un non-musulman, il est véridique? Tu dis, mashallah, mu'min. T'as vu, le cheikh, il te donne toutes les options. Hein? Et souvent, on dit, ouais, c'est vrai. Ici, on le vit, subhanallah. En Suisse, ici, on le vit, on voit des gens qui sont véridiques, hein, qu'Allah les guide vers l'islam. Ils ne montent pas. Mais, donc, qu'Allah Azzawajal les oriente vers l'islam. Qu'est-ce que ça fait d'eux des musulmans? Pas du tout. Pas du tout. Ou bien il dit, il se peut que l'homme ait, en fait, de la charité, qu'il soit solidaire, ou de l'altruisme. C'est-à-dire qu'il aime faire le bien pour les autres, il n'est pas égoïste. Il se peut que l'homme soit comme ça. Ça, c'est une caractéristique des croyants. Est-ce que ça veut dire qu'un homme non musulman, il est pas égoïste, tu dis qu'il est croyant? Voilà. Un caractéristique parmi les caractéristiques, ça ne fait pas de lui ce par quoi il s'est paré comme caractéristique, et ça ne protège pas de l'opposé de cela aussi. وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَيْضًا لَكِنَ الْكُفْرَ الْمُطْلَقِ. Ensuite, le cheikh conclut par cela, il dit, la mécréance absolue, c'est-à-dire le fait que وَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ, c'est le fait que lorsque l'homme l'applique, ceci le fait sortir de l'islam. لَا يُمْكِنَ أَنْ يَجَامِعَ الْإِيمَانِ, c'est pas possible qu'elle se rassemble avec la foi. Il se peut, c'est pas possible que l'homme dise, moi je crois pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je crois en Allah. Est-ce que c'est clair? Non. Mais il se peut qu'il y ait des choses qui font partie, qui ont été mentionnées dans la charia comme kufr. C'est pour ça que les savants ont appelé cela comme, comment? Kufr duna kufr. Une mécréance qui n'atteint pas la catégorie de la mécréance absolue. Al-kufr al-mutlaq. Al-mutlaq. La mécréance absolue. Est-ce que c'est clair ça? Hein? Afin qu'on sache. Parce que même, en fait, moi la dernière fois je vous ai dit une chose, et j'y ai pensé par la suite, je vous ai dit, la mécréance et la foi ne se rassemblent pas, comme le levant et le couchant, ou les ténèbres et la lumière. C'est vrai? La mécréance absolue et la foi, elles ne se rassemblent pas. Mais il se peut qu'il y ait des actes qui sont des actes de mécréance qui ne font pas de l'homme un mécréant. Et ça, c'est la croyance de l'Ahl Sunna wal Jama'a. Et ceux qui les contredisent en cela sont les Khawarij. Parmi les bénéfices qu'on tire du verset aussi, il y a le fait de confirmer la croyance dans le feu, c'est-à-dire parmi la foi dans l'au-delà, c'est qu'il y a l'enfer, la foi en l'enfer. Et Allah Azzawajal dit, Ulaika ashabun nar, ils sont eux les habitants du feu. Donc c'est un argument quant au fait qu'il y a un feu qui existe et il y a des habitants qui vont y résider. وَالنَّارُ مَوْجُودَةٌ الْآنِ. Parmi les bénéfices qu'on trouve aussi, c'est que le feu existe. Hein? On trouve dans le Coran que ce feu-là, il existe maintenant. Parce qu'il y a des groupes parmi les musulmans qui refusent, qui disent le feu il n'est pas encore créé. Donc, on voit que dans le Coran, si on lit le Coran, on voit que le feu il est déjà créé. Et Allah Azzawajal dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et craignez donc le feu qui a été préparé pour les mécréants. أعدت هذا فعل ماذا؟ ماضي بارك الله فيك أي مضى مضى تجهيزها Ça veut dire que dans le passé, Allah l'a déjà préparé. Il est déjà prêt. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? هذا دليل واضح صريح من القرآن quant au fait que le feu il est النار مخلوقة الآن هي موجودة. Et aussi, en dehors de cela, il y a le hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah Azza wa Jalla a créé l'enfer. Et lorsque l'enfer a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de respirer parce qu'elle se consomme elle-même. Walaha nafratan. Elle a deux respirations. Allah lui a permis de respirer deux fois dans l'année. Une respiration en été, fi shiddatil har, et une respiration en hiver. Ça, c'est un dalil aussi quant au fait que an-nar makhluqa, makhluqa. Quant au feu de l'enfer, il est créé et il est éternel. Le feu de l'enfer, il est éternel. Et Allah Azza wa Jalla dit: "Walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alayhim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adhabiha. Kadhalika najzi kulla kafur." Quant à ceux qui ont renié, ils auront le feu de l'enfer. Ils ne trouveront pas en celui-là leur fin afin d'arriver à la mort. Hein? C'est-à-dire qu'ils seront châtiés, mais ils ne mourront jamais. Hein? Et on ne leur allégera pas leur châtiment en celui-ci. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Voici la manière par laquelle nous rétribuerons tout négateur. Le fait que Allah Azza wa Jalla ait mentionné le feu, il a mentionné Abada, le ta'bid al-nar, il a mentionné trois fois dans le Coran. Il a été mentionné, le fait que le feu soit éternel, précisément comme ça avec ces mots, ça a été mentionné trois fois dans le Coran. Ceci prouve la caducité de ceux qui prétendent que le feu connaîtra une fin. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, le fait de prétendre que le feu connaît une fin, c'est un avis qui est absolument faux. Maintenant, si certaines personnes disent « Ouais, mais cher l'Islam Ibn Taymiyyah dit que le feu connaît une fin. » Et les gens de l'innovation emploient soi sur cher l'Islam. Ceux qui veulent jeter des cailloux sur cher l'Islam, Ibn Taymiyyah, hein, ils emploient ce genre de choses. Il n'y a pas un homme qui n'a pas d'erreur, déjà de un. Hein. Mais ici, le cher, est-ce qu'il a voulu dire que le feu dans lequel réside les non-musulmans connaîtra une fin? Non. C'est le feu dans lequel résideront les musulmans. C'est ça qu'il a voulu dire, cher l'Islam Ibn Taymiyyah. Nar al-Muwahhidin. Il connaîtra une fin. Ça, c'est ce qu'a voulu dire le cher. Et c'est son ijtihad. Mais ça ne le fait pas contredire ta'bid al-nar. Ça ne veut pas dire que le feu n'est pas éternel. Car l'éternité du feu, Allah l'a mentionné pour qui? Pour les koufars. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant, c'est une question qui est khilafiyya bayna ahli sunna. Et les gens qui veulent toucher ce sur quoi sont les gens de la sunna rentrent par cette porte-là pour attaquer ensuite Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sur sa croyance dans les noms et les attributs et sur les réfutations qu'il a fait au fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'imploration d'aide ou dans le fait de prendre les morts comme intermédiaires et X et Y. Mais le problème, ce que font ces personnes-là, hein, c'est le travail que fait une personne en prenant des feuilles mortes et en essayant de couvrir la lumière qui émane du soleil. Al-Yumkin, est-ce qu'il peut couvrir Nour al-Shams avec des feuilles mortes? Ils prennent ce qu'ont fait des gens morts, qui sont déjà morts, dont personne ne connaît leur nom, alors que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, même leurs suiveurs à eux qui ne connaissent pas le nom de leur propre imam, ils connaissent le nom de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Hein? Rahimahullah rahmatan wasi'a. Il a servi l'islam d'une grande manière. Et c'est un homme, il peut avoir juste comme il peut avoir faux. Là où il est concordant avec les arguments, il a juste. Là où il y a les arguments qui sont chez un autre savant parmi les gens de la sunna, ça veut dire qu'il a eu faux. Et c'est ce que lui nous a enseigné lui-même, rahimahullah. D'accord? Donc ici, la croyance des gens de la sunna sur le feu, c'est quoi? Ma croyance et ta croyance. C'est que le feu, à la base, dans son essence, il est éternel, il ne connaît pas de fin. Et il y a une divergence, est-ce que... Mais ça, ça ne nous regarde pas, prendre là, ça, c'est des choses trop pointilleuses. Mais on les mentionne, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui parlent et qui font des khutbas sur ça, et ils crient, vous savez que Ibn Taymiyyah est un égaré, il dit que le feu connaîtra une fin. Mais il n'explique pas tout, il est malhonnête. Même dans la manière d'expliquer, il est malhonnête. Si tu veux réfuter à une personne, hein, tu fais une réfutation. Lakin uzkur ma indahu. Uzkur ma indahu. Haqiqatan. Wa in kunta ahlan lirad farud. Et si tu fais partie de ceux qui ont une capacité de répondre, réponds. Mais mentionne les choses clairement. N'essaie pas de tourner les choses. Parce qu'Allah Azzawajal inscrit ton témoignage. Hein? Elle te dit, hein, et leur témoignage leur sera inscrit. Donc, il faut que l'homme soit i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Soyez juste, ceci est plus proche de la piété. Donc, la foi, c'est que le feu, il est éternel et la niqashfi. Quant à certains autres groupes égarés qui sont allés au-delà de cela, ils ont dit que le feu, il n'est pas éternel, même pour les non-musulmans. Ils se sont appuyés sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah Azzawajal dit فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ. Quant à ceux qui sont damnés, ils seront dans le feu dans lequel ils auront des soupirs et des sanglots. Ils y demeureront éternellement pour autant que les cieux et la terre perdurent. Madamati as-samawatu wal-ard. Illa ma sha'a rabbuk. Si ce n'est que ton Seigneur en décide autrement. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, et ton Seigneur fait ce qu'il veut. Ils ont pris ce verset là, subhanallah, et ils ont dit non, regarde, parce que huddidat. Madamati as-samawatu wal-ard. Illa ma sha'a rabbuk. Et ensuite Allah dit si ce n'est que ton Seigneur, ça veut dire qu'ils ont une chance. Jumhur al-mufassirin, la majorité des savants du tafsir, déjà dans madamati samawat wal ard, ça c'est une expression uslub min asalib al-arab. C'est une expression parmi les expressions des Arabes. Lan a'ti madamati samawat wal ard. S'il te dit je viendrai pas, tu vois, je veux pas venir, il s'est fâché, il te dit je viendrai pas tant que les cieux et la terre perdurent. C'est une expression qu'ils avaient les Arabes anciennement pour confirmer une chose, que je suis décidé et que ça va être très long, hein, ça va être très long, hein. Ou bien il ne rentrera pas tant que les cieux et la terre perdurent. Ils employaient ce mot-là pour dire très long, très longtemps, très longtemps, hein. Ensuite, dans le fait qu'Allah Azzawajal dit illa ma sha'a rabbuk, si ce n'est que ton Seigneur en décide autrement, dans cette parole-là, les savants du tafsir disent ma sha'a rabbuk, ça veut dire qu'ils seront dans le feu pour l'éternité, si ce n'est les moments où Allah a décrété qu'ils n'y soient pas. Quand ? Fi ardil mahshar. Par exemple, dans le jour du jugement, à l'attente du jugement. À l'attente du jugement, ils ne sont pas en enfer encore. Est-ce que c'est clair? Illa wa sha Allah azza wa jalla la yakunu. Allah a voulu qu'ils ne soient pas encore en enfer. Est-ce que c'est clair? Dans le verset suivant, Allah azza wa jalla dit wa ammal ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard. Quant à ceux qui seront les bienheureux, ils seront en enfer pour y demeurer éternellement pour autant que les cieux et la terre perdurent. Ah, donc pour l'éternité, très longuement. Illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majdud. Si ce n'est que ton Seigneur en décide autrement, et ceci est un don qui n'est jamais interrompu. Et ici de nouveau, ton Seigneur en décide autrement. Quand est-ce qu'ils ne seront pas au paradis? Al-mahshar. Ou bien la tombe, même s'ils ont un extrême, et ils ne sont pas encore au Jannah. Ata'an ghayra majdud. Ceci est un don qui est ininterrompu. Une fois qu'ils sont au paradis, ça veut dire qu'ils en sortiront plus. Ils en sortiront plus jamais. Voilà ce qui a attiré de ce verset-là. Et on s'arrête là. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta.